conférence sur le coronavirus en compagnie de Sandra Vimont, que vous voyez d'ailleurs devant moi là, à l'écran, et que je salue. Ici David Lévesque au micro. Donc le sujet de ce soir, c'est le sujet de l'heure. Pendant plusieurs semaines, on nous parle là, abondamment là, dans les médias d'une pandémie mondiale. Les paramètres de notre société sont ébranlés. On parle de gens qui sont malades, d'une grippe qui peut être mortelle. Ensuite, il y a une crise sociale. Il y a des règles sociales extrêmement draconiennes qui ont été implantées dans une vitesse record en Occident. Des choses qu'on n'aurait pas cru possibles il y a à peine quelques semaines, que ce soit la distanciation sociale qui a été mise en place, et d'autres règles là, que les gens doivent se tenir à 2 mètres. Et aussi, on parle aussi d'une crise économique. Et pendant que je parle de tout ça, pour mettre un petit peu en contexte le sujet qu'on va aborder dans quelques instants, eh bien, on a vu le chat de Sandra qui a passé devant l'écran. Donc, rassurez-vous, les gens qui nous écoutent, c'est tout à fait normal. Donc, elle a un petit chat là, qui, une fois de temps en temps, peut se déplacer pendant l'entretien. Donc, cette petite mise en garde a été faite. Et avant de débuter l'entretien, proprement dit, pour parler de la pandémie mondiale du coronavirus, ce qui peut être intéressant de mentionner par rapport à mon invité de ce soir, c'est qu'elle est conférencière et formatrice dans le domaine de la psychologie évolutionnaire. Donc, Sandra Vimont a pour site web supramental.biz, qui est une mine de ressources. Il y a beaucoup d'articles. Je pense qu'il y en a au-dessus d'une centaine. Au-dessus de 200. Bon. Donc, elle est très prolifique au fil des années. Elle a beaucoup écrit dans le domaine de la psychologie évolutionnaire et supramentale. Elle a rédigé d'ailleurs un livre qui s'intitule « Entrer dans le réel » que vous pouvez voir maintenant à l'écran, qu'elle tient dans ses mains et que vous pouvez vous procurer dès maintenant sur son site web. Donc, peux-tu nous parler brièvement là, du livre d'une manière adroite? Parler du livre, en fait, ce livre-là, je l'ai écrit comme étant, en fait, tout ce que j'aurais aimé savoir il y a peut-être 25 ans, quand j'ai commencé à m'intéresser à la compréhension de la conscience humaine, de la vie, finalement. Souvent, les gens vont chercher pendant de longues années pour vraiment avoir des réponses. J'ai fait partie de ces gens-là aussi qui ont cherché beaucoup. J'ai côtoyé la spiritualité pendant 4-5 ans. Ça n'a pas répondu. Je voyais beaucoup de contradictions. Puis ensuite, bon, ben, j'ai découvert tout un monde lié à la pensée, au mental, qu'on appelle souvent supramental, qu'on appelle aussi la psychologie évolutionnaire, que d'autres appellent la supraconscience. Il y a toutes sortes de termes qu'on peut donner à cette chose-là. Mais finalement, j'ai écrit le livre que j'aurais aimé avoir entre les mains il y a 20 ans pour pouvoir approcher la vie vraiment avec sans chercher partout. Là. Donc, c'est quand même donc, intéressant. Sans aller dans toutes les contradictions qu'on peut, auxquelles on fait face finalement dans la vie. Donc, c'est vraiment par mon expérience personnelle que j'ai traversé le travail création du double éthérique, donc intégration du principe de l'intelligence, de l'amour. Donc, je parle vraiment des principes universels dans ce livre-là. Je parle des 7 alephes, puis comment est-ce que ça fonctionne tout ça. Alors, je dirais que c'est vraiment un livre qui touche absolument à tout en ce qui a trait à l'évolution de la conscience humaine. Là, toutes les bases sont là pour comprendre l'évolution d'un ego par rapport à son énergie prépersonnelle. Prépersonnel étant qui précède l'ego. Mm-hmm. Bien que je précise les mots que j'utilise, ceux oui, qui sont pas... Oui, et c'est sûr que les gens qui, après l'entretien, l'écoute de l'entretien d'aujourd'hui, pourront aller plus loin dans la compréhension de la terminologie en lien avec le supramental en lisant ton livre, qui présente d'ailleurs un glossaire à la fin avec la définition des principaux termes là, qui s'y rapportent. Donc, c'est sûr que le livre, c'est un plus. Donc, pour les gens qui veulent étudier davantage ton matériel, c'est un incontournable. Et par la suite, tu as aussi, sur ton site web, des enregistrements audio que tu mets en vente, en ligne des conférences que tu as produites. Donc, je pense que tu en as fait quand même plusieurs au fil des ans. Et pas mal, oui. Oui, beaucoup de conférences et vidéoconférences qui sont mises en ligne, mises à disposition avec des extraits, sont à vendre parce que c'est mon travail principal. Donc, Ben oui, force ben de c'est tout à fait dire normal qu'il y ait un que échange faut vivre d'énergie de pour notre les travail gens qui comme tout le monde. bénéficient de ton instruction, là. Tu sais, Ouais. c'est tout à fait logique. Et, Mais l'aspect de gratuité, mais c'est le 250 et plus d'articles. Puis il y a aussi ma page Facebook là, sur laquelle j'affiche, puis que je participe régulièrement quand il y a des questions, je demeure présente aussi, là, donc. Oui, ben je vois souvent là, que sur Facebook, tu réponds à des gens, puis tu postes aussi des articles que tu produis généreusement pour le public. Et c'est sûr que les gens qui veulent t'offrir leur soutien peuvent se procurer ton livre, acheter une conférence et même participer à l'une de tes formations. Oui, bien sûr. J'offre une formation de tarot psychique. Ce n'est pas du tarot comme ce qu'on voit régulièrement de la divination, mais c'est vraiment le tarot pour prendre contact avec l'esprit. Donc, quelqu'un qui dit, ben moi, mon esprit ne me parle pas, ben, on va forcer l'esprit à parler par le tarot. Parce qu'à partir du moment qu'on comprend le principe que c'est l'esprit qui gère ou qui crée tous les événements qu'on vit, donc qui en est l'origine, ben, on comprend que ça fonctionne très, très bien. Là, il n'y a pas de hasard. Alors, donc, on apprend à communiquer avec l'esprit via les cartes. Il y a aussi la guématrie que j'enseigne dans mes formations. Donc, ça, c'est vraiment, on apprend comment connaître notre propre programmation, mais celle des autres. À quoi ça sert concrètement connaître notre programmation? Mais ça permet de voir par où. En fait, où sont nos failles? Donc, par où les entités, qu'elles soient astrales ou surmentales, viennent s'immiscer dans ce qu'on croit être notre identité, mais qui ne l'est pas. Donc, ce qui génère aussi toutes les fuites psychologiques qu'on voit. Donc, ça, c'est la guématrie. Puis ensuite, bien, il y a deux formations un peu différentes. Il y a le soin énergétique, parce que oui, c'est intéressant de s'occuper de notre psychisme, de l'évolution de la psyché humaine, mais le corps doit suivre. Le yin et le yang ne peuvent pas être travaillés séparément. Quelqu'un qui ne travaille pas le corps physique pour être capable de suivre la conscience, ben, il finit par payer le prix. Donc, je l'apporte vraiment comme ça. Et comme soin énergétique, vraiment une fluidité, là. Il n'y a rien à croire. Il n'y a pas une théorie rigide comme on peut voir là, chez certains praticiens. Qui font aussi des soins énergétiques. Donc, c'est vraiment une forme beaucoup plus libre où est-ce on n'est pas dans aucune structure de croyance. Et finalement, bien, il y a mon séminaire sur l'amour, la sexualité et la kundalini. Donc, de comprendre c'est quoi cet aspect-là d'énergie qui peut être véhicule dans le corps. Donc, cette kundalini-là, est-ce que c'est lié à la conscience? Si oui, comment? Sinon, pourquoi? Donc, tout ça, on le regarde. Puis, où se situe l'amour par rapport à ça? L'amour planétaire, puis vers où s'en va l'amour? Vers où se développe la sexualité de plus en plus? Donc, c'est vraiment une redécouverte de soi dans le quotidien, là. Donc, toujours dans la conscience, mais une conscience autant Yang, donc on parle de conscience d'ego, d'esprit universel, etc., mais une conscience du corps aussi, de la forme. Parce qu'évidemment, la conscience habite un corps. Puis sans le corps, mais la Naturellement. conscience, ça ne vaut pas grand-chose, hein? Ça prend Exactement. une forme. Ça prend une forme pour contenir une conscience. Donc, il y a les deux aspects qu'il faut tenir compte. Les Écoute. Chinois l'ont bien compris, le symbole yin-yang, ça marche ensemble. Donc, si on s'occupe juste d'un aspect, mais on passe vraiment à côté d'une partie importante, là. Oui, certainement. Et comme il ne faut pas passer à côté des gens qui nous écoutent d'un peu partout dans le monde, dont notamment en Europe, que ce soit en Suisse, en France, en Belgique, ça peut être pertinent de mentionner à nos gens qui présentement visionnent la vidéo que tu, normalement, en dehors du temps de pandémie, tu vas te déplacer en Europe pour donner des formations. Ben oui, ceux qui suivent mes activités savent que tout est reporté. On ne sait pas pour quand. J'étais justement supposée quitter au mois de mai pour aller rendre visite à mes belles personnes là-bas que j'aime beaucoup. Parce qu'il y en a qui suivent, que je connais, qui ont déjà suivi des formations, qui voulaient en suivre d'autres. Alors, souvent, je retrouve des gens que je connais, quand j'y retourne. Puis je m'ennuie d'eux autres beaucoup, mais tenez bon, je vais revenir. Ce n'est que partie remise. Donc, à chaque année, je me déplace. Très souvent, je vais 2 fois par année. À l'avenir, ça peut être plus, ça peut être moins. On ne sait pas trop ce qui est en avant, mais ce qui est certain, j'ai très hâte de retourner vous voir en Europe. Bon, ben, c'est excellent. Donc, c'est sûr que pour les gens qui veulent être au courant des dates où tu vas retourner en Europe ou tout simplement tu tiens des activités de visioconférence, eh bien, sont affichés sur ton site web étant www.supramental.biz. C'est sûr que je peux le mentionner plus tranquillement, là, de www.supramental.biz. Donc, Supramental en un mot, pas de trait d'union. exactement. Donc, les gens comme ça vont pouvoir prendre en note tes coordonnées pour en savoir un petit peu plus sur toi après avoir visionné la vidéo, là, naturellement, si on a envie d'aller plus loin. Et avant de parler à proprement dit du coronavirus, je voulais quand même mentionner de mon côté, pour les gens qui découvrent aujourd'hui mes enregistrements, advenant que ce soit le cas, que je suis un YouTuber qui a fait au-dessus de 400 enregistrements sur YouTube. Donc, toi, tu es très prolifique par rapport aux articles, puis moi, c'est des enregistrements audio. J'en ai fait vraiment plusieurs. Et, Ça marche bien, les enregistrements YouTube. ben, au fil du temps, il y a un petit peu plus de visionnement, comme on dit. Et puis, ce que je peux rajouter là-dessus, c'est que j'ai deux chaînes présentement sur YouTube. Donc, David Lève, où je vais faire des capsules en solo, mais des entrevues avec différents invités. J'ai déjà eu dans le passé, notamment Daniel Ménard, qui a été l'intervieweur de Bernard de Montréal, qui a initié le mouvement de la conscience supramentale ici au Québec. J'ai des entrevues avec lui exclusives que vous ne retrouverez pas ailleurs. Vous pouvez m'entendre lui parler alors qu'il est décédé aujourd'hui, mais qui a contribué là, fortement à la diffusion ici là, de la conscience supramentale au Québec, que je vous propose d'écouter sur ma chaîne YouTube de David Lève. Sinon, mon autre chaîne, David Lévesque Supra, que vous pouvez retrouver donc sur YouTube également, présente des enregistrements de moi en solo, mais qui vise à parler d'une manière impersonnelle de différents sujets. Et il y a certains des contenus que j'aborde là, que c'est des lectures d'articles que j'ai produits. Dans certains cas, il y en a d'autres que j'improvise, ça dépend. Et c'est toujours dans une démarche en lien avec l'intégration d'une conscience supramentale, psychologie évolutionnaire aussi, pour intégrer une vibration qui transforme la psyché pour l'amener plus loin dans son évolution. C'est dans cet esprit-là que j'écris notamment là, des articles, mais je ne suis pas aussi prolifique que toi, là, mais j'en ai quand même plusieurs là, sur mon blog. Donc, pour les gens que ça intéresse, vous pouvez aller sur mon blog étant davidlevesquesupra.wordpress.com. Donc, si vous voulez prendre le temps de le noter, je vais le répéter tranquillement. Donc, davidlevesquesupra.wordpress.com. Et c'est sûr que j'ai produit aussi des enregistrements privés qui s'adressent à un public restreint. Donc, des gens qui sont des initiés, c'est-à-dire qui vivent un contact avec leur esprit, qui ont été initiés par des descentes d'énergie particulières en eux, qui font en sorte que ces gens-là sont plus disposés à intégrer certains types de matériel. Donc, c'est pas des. Il y a des enregistrements que je fais qui s'adressent au public au large, comme aujourd'hui, qui nous permettent de faire la promotion, soit de nos articles ou de nos activités, mais j'ai fait aussi des enregistrements privés pour vraiment les personnes qui peuvent aller plus loin, puis qui sont capables aussi d'en prendre là, naturellement. Parce que de plus en plus, sur les médias de masse, il y a de la censure qui s'observe, qui fait qu'on ne peut pas nécessairement tout dire. Et c'est la raison pour laquelle j'ai mis certains enregistrements en vente, dont vous pouvez retrouver des extraits promotionnels là, sur ma chaîne YouTube de David Lève. Donc, les petites annonces de mon côté sont faites et du tien aussi. Donc, on va pouvoir à présent attaquer ensemble ce sujet colossal. Ben, moi aussi, exactement. Donc, de cette pandémie mondiale du coronavirus qui ébranle tous les fondements de la civilisation, là. C'est comme pour moi une espèce d'initiation collective où tous les paramètres sociaux, la famille est ébranlée, le couple peut être bouleversé aussi, le rapport au travail, plusieurs personnes qui ont perdu leur emploi, il y a des proches, des personnes âgées qui sont décédées. Donc, par rapport à la pandémie, pendant que je suis en train d'annoncer ça, le chat passe à l'écran. Ça a l'air sérieux, Oui, non, c'est correct. hein? Ben, je voulais commencer. En fait, selon toi, là, Qu'est-ce que c'est le coronavirus tout d'abord? Un virus? Oui. Excusez mon humour. Oui, ça, je m'y attendais comme réponse, mais pour aller un petit peu plus Je loin. t'y attendais Oui, quand on connaît un peu. Qu'est-ce que c'est le coronavirus? Ben, en fait, moi, ce que j'aime bien dire, t'sais, si on me demandait qu'est-ce que je pense du coronavirus, ben, j'y pense absolument rien. C'est un virus. Ce qui m'intéresse davantage, c'est le rapport de chaque ego, chaque être humain par rapport au virus. Donc là, on commence à m'intéresser. Parce que le virus comme tel, il ne m'intéresse pas. Donc, c'est vraiment le rapport. Donc, comment est-ce que ça change le quotidien de la personne, puis comment surtout qu'elle le vit, ce rapport-là qui est changeant. Parce que oui, on parle beaucoup de coronavirus, mais je considère que c'est secondaire pour beaucoup de personnes. C'est secondaire pour tous ceux qui ne l'ont pas attrapé. Parce qu'on pourrait dire, la plupart des gens, ce qui a changé, mais c'est vraiment comme tu mentionnais tantôt, c'est le rapport à la société, le rapport à la famille, le rapport avec le travail. Donc, c'est vraiment beaucoup de choses qui changent parce que ce n'est pas la majorité des gens qui ont eu un contact avec ce virus-là. Donc, ça, déjà, c'est intéressant de dire, ben, c'est peut-être pas le virus le point central. Oui, c'est le déclencheur. Mais le rapport de l'individu par rapport à ce qu'il vit ou à comment il s'extériorise, comment il vit les choses, ben c'est dans beaucoup de cas, on ne parlerait même pas du virus. Certainement, il y a des gens qui ont été touchés, il y a des gens que leur famille a été touchée. Mais encore une fois, c'est toujours l'individu face au virus. C'est ça qui est intéressant, je trouve, à explorer. Parce que sinon, on peut s'embourber très rapidement. Dans toutes sortes d'avenues, par exemple, d'où est-ce que ça vient? Est-ce qu'il y a un coupable? Est-ce qu'il y a un gros méchant derrière tout ça? Est-ce que ça a commencé dans un marché? Est-ce que ça vient plutôt du laboratoire? Ah ben moi, il me semble que ça doit venir du laboratoire. Ah ben moi, je suis certain que ça vient du marché, mais lui, il dit ça, l'autre dit ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on entend? On entend toutes sortes de choses contradictoires. On dit, ah mais les morts sont sous-estimés. Blablabla. Puis on a preuve à l'appui, évidemment, hein, c'est preuve à l'appui. Puis dans d'autres endroits, on dit que les chiffres sont surestimés parce que dans les chiffres, on ajoute des gens qui sont morts de pneumonie, mais qui n'ont pas eu la COVID, puis qu'on teste pas les morts. Donc finalement, on a des informations de tous les côtés. C'est vrai, c'est faux, ça va par là, ça va par là. Puis finalement, ben, on se retrouve dans quelque chose d'assez intéressant. Dans un paquet de croyances, dans un paquet d'informations, où est-ce qu'au fond, les gens se perdent complètement, puis dans laquelle les gens peuvent être pris de panique un peu, puis dire, mais coudonc, où la vérité? Puis avec la fameuse mode un petit peu des fake news, on entend ce terme-là de plus en plus. Donc, les gens ont beaucoup de misère à se situer par rapport à l'information qui vient vers eux. Mais l'important, c'est pas qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, c'est vous, votre rapport dans votre vie, dans votre quotidien. Qu'est-ce que ça change? Puis qu'est-ce qui vibre en vous? Puis comment est-ce que vous gérez ce qui vibre en vous, les tensions que ça apporte? Donc, je trouve que c'est vraiment là le point qui est le plus important individuellement de voir comment est-ce que vous gérez ce qui vient vers vous. Oui, de gérer les rapports à l'événement qui peut occasionner beaucoup de peur, notamment avec les médias puis l'effet de loupe médiatique où on va amplifier le nombre de décès en mettant l'emphase à chaque jour avec une espèce de décompte morbide, le nombre de personnes qui sont atteintes au Québec ou dans le monde, puis là, ça augmente. Puis qu'est-ce que, par rapport au rôle des médias présentement qui font des bulletins de nouvelles exclusivement consacrés au coronavirus depuis plusieurs semaines, qu'est-ce que ça dit par rapport à cette tactique-là médiatique là, auquel on est exposé? Ben, je dirais, si les médias en parlent autant, c'est qu'il y a des gens pour les écouter, ultimement, parce que si les gens n'étaient pas intéressés à entendre parler, en termes d'individus, ils prendraient la petite manette puis ils feraient bip bip, on met ça off, on arrête. Il y en a qui commencent à dire, on voit des psychologues qui disent, oh, pour la santé mentale, branchez-vous pas 24 heures sur 24, là, commencez à y aller mollo. Donc, d'un côté, il y a des gens qui veulent de l'information. C'est important d'avoir de l'information. Alors, je ne dis pas de faire l'ermite puis de s'encloîtrer. Pourquoi? Ben parce que si, par exemple, dans votre lieu de résidence, on dit ben faut pas sortir, sinon l'armée va vous donner un ticket, une contravention, ben vaut mieux avoir l'information. Donc, il y a des informations qu'il faut être capable d'aller chercher. Mais il y a un tri à faire jusqu'où qu'on va dans cette information-là. Parce que si on essaie de trouver le vrai, le faux, le coupable, c'est là qu'on se perd. Donc, c'est à chacun de voir quelle information est utile pour moi dans mon quotidien. Quand je me lève le matin, quelle information est-ce que je dois savoir? Bien, je dois savoir que si je vais au supermarché, ça ne sera pas comme c'était il y a 2 mois, qu'il va y avoir des plexiglas, il va y avoir des gens avec des masques, qu'il va y avoir des petites pompes à désinfectants. Donc, ce que j'ai besoin de savoir, donc est-ce qu'on m'oblige de porter un masque? Est-ce que c'est facultatif pour être capable de respecter, je pourrais dire un ordre social, mais plus loin que ça, pour pouvoir respecter la société. Dans le sens que si les gens ont peur puis qu'ils ont une crainte, disons, généralisée dans votre milieu de vie, bien, il faut quand même respecter puis pas leur cracher en pleine face, comme on a pu voir certaines personnes faire dans les Oui, médias, pas dans les... exactement. Mais en même temps, l'individu doit se respecter dans le sens que il doit respecter sa sensibilité. Parce que si la société impose des aberrations, si on parle d'une manière hypothétique, parce qu'il y a beaucoup de gens qui laissent circuler là, sur Internet que éventuellement il y aurait une pression sociale pour que les gens se fassent massivement vacciner contre le coronavirus, étant donné tous les dommages que ça peut occasionner, autant santé, économique, etc. Est-ce que toi, par exemple, sur le plan individuel, sans toi à l'aise de répondre ou non, Oui, t'accepterais de te faire vacciner contre le coronavirus? absolument. La question est fantastique. Je dirais si la société l'oblige, parce qu'il y a certaines sociétés comme ça qui obligent certains vaccins. Au Québec, on a plus de latitude. Dans d'autres pays, il y a des vaccinations qui sont parfois très, très, très obligatoires. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On revient toujours à l'individu. Donc, si je suis dans une société où est-ce qu'on me dit tu es obligé de te faire vacciner contre le coronavirus, bien, la première question qui me viendrait, mais est-ce que je ne suis pas déjà immunisée? Parce que peut-être que je l'ai déjà attrapé. Donc, est-ce que c'est légitime? C'est certain que je rentrerai dans des questionnements comme ça. Mais ultimement, si on m'oblige. Donc, j'ai 2 choix. Soit que je me fais vacciner, ou bien je déménage. Mais peut-être qu'un jour, ça sera plus possible de déménager parce que si au niveau international, à cause de la crise, les règles sont resserrées en matière de voyage et Oui. que, y aurait une obligation pour que quitter le pays pour aller, par exemple, dans un pays de l'Union européenne, d'avoir une preuve comme de quoi que tu es vacciné, ce qui fait que tu serais bloqué Donc, ou aller on est ailleurs dans le toujours. monde. Fait qu'il y aurait comme une mécanisme qui serait mis à l'échelle internationale sous l'égide de l'Organisation mondiale de la santé qui présentement a fait de la pression sur nos gouvernements pour mettre en place les mesures de confinement, de distanciation sociale, etc., qui pourrait, à cause de la dangerosité du coronavirus, utiliser ça comme prétexte pour forcer une vaccination mondiale. Et là, c'est sûr que par rapport à ça, il y a beaucoup de gens qui discutent de ça sur Internet et ça génère beaucoup de craintes, la peur, entre autres, que ça soit un prétexte pour implanter une puce sous-cutanée ou voire même occasionner des injections létales en plus du vaccin pour éliminer une partie de la population mondiale. C'est sûr qu'il y en a qui peuvent m'écouter, ils vont dire c'est de la paranoïa, c'est de la folie, mais aux mêmes personnes, je peux leur mentionner qu'il y a à peine quelques mois, il n'y aurait jamais envisagé que le fait de se retrouver avec une autre personne à leur domicile qui n'y réside pas aurait occasionné ici au Québec une amende de 1 000 $ ou plus. Donc, on est dans Oui. une situation où que, par exemple, se présenter dans un parc public, c'est interdit à Montréal. Les gens s'exposent à des amendes très fortes. 1 000 $, c'est un gros montant pour quelqu'un qui vit au Québec ou quelqu'un qui revient de voyage, une amende pouvant aller jusqu'à 750 000 $ si dans les 2 semaines suivant son retour de voyage, elle n'est pas en mesure de confinement. Donc, ou 6 mois de prison. Donc, on n'aurait jamais pensé à ça. Les gens, j'aurais parlé de ça il y a 6 mois, ils m'ont dit, t'es complètement fou de dire des choses de même. C'est du délire paranoïaque. Mais justement, par rapport à ça, toi, jusqu'où tu penses que tout ça peut aller? En fait, ce qui est important, c'est toujours je vais revenir toujours à ça, on revient à chaque individu. Donc, disons, dans un contexte, il y a un individu, on dit, tu es obligé de te faire vacciner, la personne, ça ne fait pas son affaire. Situation hypothétique, il peut y avoir plein d'autres choses qui vous créent des tensions, puis la réponse va être la même. Donc, la personne est devant une obligation, donc j'ai, bon, ben, soit qu'elle se fait vacciner ou elle déménage, alors là, tu me dis, OK, ben, si elle ne déménage pas, elle ne peut pas déménager parce que tata. Donc, ça fait partie des contraintes que vit cet individu-là. Puis quand on dit que l'individu subit une contrainte, il ne faut jamais perdre de vue que son esprit est d'accord. Ben, sinon, il ne vivrait pas. On ne vit absolument rien que notre esprit n'est pas d'accord. Donc, ça, c'est un premier point. Alors, on dit, OK, mon esprit est d'accord que moi, je reçoive un vaccin qui me fait peur, que je trouve qu'il n'est pas utile ou qui peut-être aurait des conséquences sur mon corps physique. Mais l'important dans ça, c'est que les gens sont toujours. Ils réagissent beaucoup à l'événement plutôt que de dire, OK, on va changer le paradigme complètement. On va dire, OK, bon, ben moi, je vais créer mon double éthérique. Je vais utiliser l'événement pour créer mon double. Comment qu'on fait Qu'est-ce que ça? c'est? Ouais, donc, comment est-ce qu'on crée un double? Puis comment est-ce qu'on fait ça? Donc, plutôt que de vibrer à l'événement, puis dire, bon, ben OK, j'ai le choix de polariser le fait qu'on me dise, bon, ben on m'impose un vaccin. Ça me crée une tension. Ça ne me tente pas, mais j'ai pas le choix, là. Disons qu'on me l'impose, Ben, attends une sinon, minute, menottes de attends une minute. prison ou C'est on ça, me il peut l'impose. avoir Donc, il y a une différentes con il contrainte. peut avoir différentes contraintes sociales, mais ça peut être l'occasion de renégocier le contrat social. Tu sais, on a tendance à troquer la liberté contre la sécurité, puis nos droits aussi, au nom de se faire protéger par le gouvernement, mais peut-être qu'à un moment donné, les gens vont se révolter, puis vont vouloir faire de l'autarcie, Ouais. puis vivre en parallèle du système, là. Ça, il y a toujours des gens qui vont s'occuper de ça, c'est garanti. Qui vont aller dans la rue puis qui vont dire non, qui vont. Mais ultimement, si la personne va dans la rue, elle dit non, mais on lui dit, mais on te vaccine quand même. Donc, tu sais, c'est pour ça que je dis chaque événement, chaque individu. Si les gens vont dans la rue puis la situation change, il y a une rétraction, ben tant mieux. Mais s'il n'y en a pas, tu sais, on va dans la contrainte Oui, extrême, là. exact, oui. C'est comme dire, ben, quelqu'un se casse une jambe, il est pris à l'hôpital, il ne peut pas sortir, il se casse les deux jambes, il ne peut pas marcher. Des fois, il y a des contraintes qui sont extrêmes. Donc, dans le cas, disons, d'une vaccination obligatoire, la personne ne peut pas déménager, n'a pas d'autre choix, sinon elle reçoit une amende ou il y a une conséquence plus grande que ce qu'elle pourrait gérer. Donc, c'est de dire, bon, ben, est-ce que je serais prête à dire, ben, tant pis, je vais me faire vacciner, puis mon corps, ben, va gérer ce vaccin-là correctement, ben oui. Puis dire, ben, est-ce que, mais ben, oui, mais s'il est mortel, ce vaccin-là, s'il y a une puce, mon constat, c'est de dire, ça ne change en rien l'immortalité de ma conscience parce que j'ai un double. Donc, en bon québécois, je m'en calisse, je m'en fous. Donc, on change le paradigme de place. Parce qu'une personne qui a peur de la mort, qui a peur de ci, qui a peur de ça, qui est insécure, c'est certain qu'elle va réagir puis va dire ben oui, mais ma santé, puis ouais, mais ci, mais ouais, mais ça. Mais c'est que toute l'énergie a été mise sur l'événement. Là, moi, je vous suggère d'inverser. On va utiliser l'événement qui crée une tension, qui crée une contrariété. On va l'utiliser pour grandir en conscience. Donc, on va faire l'inverse de tout le monde. Alors, on dit, OK, j'utilise la contrainte du vaccin, ça me crée une tension immense, par exemple. Ou bien, je suis confinée, j'ai envie de sortir, je n'ai pas le droit parce que sinon je reçois une contravention, ça me crée une tension. Donc, tous ces exemples-là qu'on pourrait nommer, tout ce qui vous crée des tensions, des contraintes, c'est difficile. Mais au lieu d'essayer de trouver un coupable, au lieu d'être en colère contre tout et rien, c'est dire, je vais utiliser cet événement-là pour grandir en conscience. Comment est-ce que je l'utilise? Ben, je vais dire à mon esprit, ben là, ça suffit. Parce que je suis très consciente ou sciente que mon esprit est d'accord avec ce que je vis, sinon je ne le vivrais pas, c'est évident. Puis tout le monde a un esprit, on s'entend, là? Tout le monde a un ego, Mais de dire, tout le monde a un ça, esprit. ouais, je comprends ce que tu veux dire. Tu peux dire à ton esprit intérieurement que ça suffit de vivre l'événement, comme par exemple de vivre une situation de confinement forcé, Ouais. mais ça va pas faire en sorte que demain matin, ça va arrêter le confinement. Non, absolument pas. Mais qu'est-ce qui va se passer? Si je confronte mon esprit, je lui dis là, j'en ai assez. Je pourrais confronter aussi mon esprit parce que quelqu'un qui m'est cher est à l'hôpital sous ventilateur. Donc, tu sais, on peut aller loin, là. Tous les exemples de ce qui vous crée des tensions, vous crée des ennuis. Alors, je dis, ben là, ça va plus. Donc, je lui dis, ça va plus, puis il faut que ça change, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Donc, je parle à mon esprit. Je peux lui parler à haute voix, mais s'il vous plaît, faites pas ça en public parce qu'on va vous amener à l'hôpital aussi. Donc, Ben quand oui, vous parce que êtes c'est pas tout le seul, monde qui sont en prêts à confinement, entendre ça se ça. fait bien Oui, quand on est exact. seul. On ferme la porte pour pas déranger tout le monde parce que quand même, il y a un respect d'autrui à avoir, même si c'est notre colocataire, notre conjoint, nos enfants. Donc, on s'isole, on est dans un beau contexte pour ça, puis on dit à notre esprit, ben là, c'est assez. Puis si on dit, ouais, mais là, j'ai pas trop de contexte où est-ce que je peux me choquer contre mon propre esprit, les gens vont dire, je suis fou. Ben, moi, souvent, je rigole, puis je dis, ben, dans la société d'aujourd'hui, c'est tellement facile, tout le monde avec les cellulaires, les petits trucs sur l'oreille, ben, on n'a jamais l'impression que les gens se parlent, on a toujours l'impression qu'ils parlent à quelqu'un, donc ça passe très bien dans la société d'aujourd'hui, Oui. autant dans leur voiture que les gens se parlent, puis on ne se pose pas de questions, Ben oui, comme avec le ça n'est plus Bluetooth en arrivé avant l'ère voiture. des technologies. Hein? Donc, il y a beaucoup de façons de pouvoir verbaliser à l'esprit, puis dire, ben là, c'est assez. Puis sinon, ça peut être fait télépathiquement. Je suis même pas obligée de bouger mes lèvres. Juste l'intention de ma colère, puis je dis à mon esprit, mais toi, puis on peut utiliser tous les mots qu'on veut, là, salaud, là, là, là, là, pourquoi que tu fais ça? Ça me crée beaucoup de tension. Puis là, ben, on pourrait dire, mais pourquoi que l'esprit nous ferait ça? C'est notre propre esprit. Pourquoi mon esprit voudrait me mettre dans des situations difficiles? Ben, on pourrait dire, l'esprit veut nous mettre dans des situations difficiles pour qu'on commence à lui parler. Pour qu'ils commencent à avoir un contact. Parce que c'est jamais quand ça va bien que les gens parlent avec en haut. En haut étant peu importe qui, là, l'esprit. Les gens des religions vont dire autre chose, mais quand on rentre dans un cheminement de conscience, on apprend à parler à l'esprit. On n'est plus soumis à des autorités autres que dire, bon, ben, je veux plus être soumis à rien, là, commence à t'as des comptes à me rendre, pourquoi que tu fais en sorte que je subis ce confinement-là? Puis tu me dois une réponse. Parce que c'est une chose de parler à l'esprit, puis c'est important de parler à l'esprit pour que cette colère-là soit canalisée. Parce que si on ne la canalise pas envers l'esprit, qu'est-ce qui arrive? Bien, cette colère-là, elle s'en va contre le conjoint, contre le voisin, contre la police, contre... Nommez-les, là. On en trouve des coupables, là. On en trouve, puis on en trouve. Donc, finalement, on perd notre feu, on perd notre vitalité, puis c'est ce feu-là, parce que la colère, ça vient de l'esprit, ça vient d'en haut. C'est pas moi qui décide, ben là, tout d'un coup, je suis en colère. C'est pas l'ego qui décide d'être en colère. Ça descend dans l'ego. C'est une énergie qui descend. Donc, quand cette énergie-là descend, ben la meilleure chose à faire, c'est de pas la renvoyer aux autres êtres humains. C'est de la renvoyer par en haut, puis dire à l'esprit, hey, qu'est-ce que tu fais, là? Qu'est-ce que tu fais? Donc, c'est de dire, bon, ben, quand on conteste la contrainte dans l'événement, qu'est-ce qui arrive? L'énergie de l'esprit descend dans l'ego et retourne vers le plan de l'esprit. Ça crée une boucle. C'est cette communication-là qui fait en sorte que l'ego est de plus en plus capable de supporter l'énergie de l'esprit, donc la colère, l'intelligence aussi, parce que de plus en plus, donc la colère descend, on confronte, et tranquillement, qu'est-ce qui se produit? Puis ça peut être long. Qu'est-ce qui se produit? Mais l'esprit commence à répondre à l'ego. Par télépathie, donc dans notre tête. Donc là, on ne parle pas de schizophrénie, de voix, d'entité qui rentre dans notre tête. On ne parle pas de ça du tout, là. C'est une pensée qui rentre dans votre tête, qui est vous, sur le plan de votre esprit, qui vous dit, ben, je te mets en confinement parce que ta ta ta ta ta ta. Mais en fait, ce n'est pas l'esprit qui nous met en confinement, mais il passe par l'événementiel pour qu'on vive le confinement. Pour toutes sortes de raisons, puis ces raisons-là sont individuelles pour chaque ego. Mais en même temps, c'est un événement collectif dans le sens que si c'est imposé à une bonne partie de l'humanité, là, plusieurs milliards d'êtres humains, c'est quand même un volet collectif. C'est pas comme quelqu'un qui vit un accident parce qu'il traverse la rue, là. Ouais, c'est bien dit, mais chacun le vit individuellement, même si c'est un événement collectif. Mais c'est oui, effectivement, il faut mettre ça en avant-plan que oui, c'est un événement même planétaire. Il y a Exact. très peu d'endroits sur la planète qui sont pas touchés. Donc, chacun est mis devant certaines tensions intérieures. Il y en a qui en ont plus que d'autres, des tensions en fonction de ce qu'ils vivent. Moi, je supporte très bien le confinement, je supporte très bien la solitude. Puis, si on m'imposait de mettre un masque en public, ben j'aurais aucune objection. Pourquoi? On pourrait dire, ben ouais, mais t'as de l'identité, voyons, tu refuses ça, ça tire pas Ouais, le c'est coup. Il y en a ça. qui pourraient me dire ça. Ça, c'est le point de vue d'un esprit. Ben, c'est beau, l'esprit, l'identité de l'esprit, puis dire, ben moi, là, ça va de ma façon, puis c'est intelligent, donc c'est comme ça. Puis s'ils me demandent ça, puis c'est pas intelligent, je le fais pas. Ça, c'est un point de vue d'esprit. Mais la chose est qu'on n'a pas juste un esprit. Oh, dans quoi on s'enverque là? On n'a pas juste un esprit. L'esprit, il y a un grand frère en haut, là. C'est quoi le grand frère? Mais c'est l'esprit universel. Ceux qui connaissent un peu la science supramentale savent qu'il y a trois premiers alephes qu'on parle beaucoup: la volonté, l'intelligence, l'amour. Donc, l'esprit va souvent être associé, ou normalement, c'est associé au principe de l'intelligence. Donc, c'est froid, c'est intelligent, ça nous répond, ça nous dit qu'est-ce qui se passe. C'est clac, clac, clac. Donc, bon, ben, porter un masque, non, c'est pas intelligent parce que les chances que tu l'attrapes, tatata, peu importe, là. Là, je dis n'importe quoi. L'esprit nous donne une réponse. Mais là, quand je sors de chez moi, il y a un autre paramètre qui s'ajoute. Il y a l'autre. Autrui, la peur de la société, dans le sens, les gens qui ont peur. Que moi, si je me promène sans masque, puis tout le monde a un masque, ça va leur créer des tensions. Donc, moi, j'ai pas envie d'être le vecteur des tensions chez les autres. Puis ça, mais c'est d'être capable de dire, je vais me rapprocher de l'amour qui est le troisième aleph. Parce qu'être trop dans l'intelligence, puis oublier la réalité de l'autre, on fait un pas à côté. Parce que tout le monde qui pense juste à son nombril, on le voit, ce que ça fait en société, ça crée beaucoup de conflits. Donc, c'est de dire, bon, mais j'ai assez d'identité pour dire que moi, exemple, là, je pourrais dire, ben moi, je m'en fous, ça m'est égal, mais j'ai assez de respect pour la société, pour les gens qui ont peur, pour les gens qui sont craintifs, qui ont peur pour toutes sortes de bonnes raisons, pour leurs parents, leurs frères, leurs sœurs qui sont âgés, qui ont déjà une maladie pulmonaire, qui ont reçu une greffe, donc leur système immunitaire est déjà amoindri. Donc, les gens ont toutes sortes de bonnes raisons, disons, pour avoir peur. Donc, moi, je vais respecter l'autre dans ce qu'il vit. Je ne vais pas dépasser le temps de l'autre. Mais en même temps, il faut que tu te respectes dans le sens que si de tenir compte de l'autre, dans un certain sens, c'est pertinent, mais la frontière est mince entre Ouais. respecter l'autre puis en même temps se soumettre à une autorité extérieure à soi qui est aliénante. Parce qu'autrefois, les femmes respectaient les hommes, ils étaient soumis à eux autres, puis les hommes les ont exploités, là, si on pense à la situation au Québec historique, où notamment les prêtres faisaient du porte-à-porte à chaque année pour forcer les femmes à tomber enceintes, là, que c'était abominable. Donc, en même temps, c'est impertinent de tenir compte de la société, mais il ne faut pas s'aliéner au détriment de la société, puis à quelque part à être soumis là, à des règles qui ont pas d'allure et qui nous aliènent. Ça, c'est un beau point de vue d'esprit. OK. Si on le pousse plus loin, disons que j'énonce, rien ne peut venir briser ma conscience, qui est intégrale, qui est complète, tatata. Rien ne peut venir briser ma conscience. Donc, si je fais quelque chose à laquelle je suis soumise dans la société, que ce soit porter un masque ou quoi que ce soit qu'on me demande, là, que ce soit quoi que ce soit, ben place tous tes billets de banque dans le même sens parce que tu travailles à la banque puis tu peux pas mettre tes billets. Puis là, tu dis, ben voyons, qu'ils soient à l'endroit, à l'envers, c'est 20 $. Donc, on se fait soumettre toutes sortes de contraintes dans le travail. Mais le coronavirus vient tout simplement ajouter d'autres contraintes qui sont, oui, plus contraignantes puis qui peuvent faire réagir beaucoup plus. Ça, j'en conviens. Sur les droits et libertés, il y a plein de sujets qui sont extrêmement beaux, extrêmement intéressants qu'on peut rentrer. Mais à partir du constat qu'un individu conscient, qu'on pourrait dire qu'il a son double, que ça fait des années qu'il travaille à utiliser l'événement pour créer son double plutôt que de blâmer tout le monde, on peut dire, ben lui peut dire, rien ne peut brimer ma conscience. Donc, que je porte un masque ou pas, ma conscience demeure inaltérée. Non, je comprends que ta conscience est au-delà de la forme que représente ton corps C'est là qu'il physique. faut. Mais c'est là qu'il faut mettre un accent. Parce qu'on met tellement d'accent dans la polarité de l'événement. On dit, ah, mais c'est bon, c'est pas bon, je suis d'accord, je suis pas d'accord, ça me brime, ta, ta, ta. La personne qui est capable de dire, ben moi, je le mets mon crisse de masque, là, parce qu'on me le demande, mais je le fais pour l'autre. Puis je le fais pour l'autre, sachant que moi, ça brime pas mon identité. Mais en même temps, si tu t'es Ça, je incarné ferais sur rien qui va Terre, brimer c'est mon ça. Mais en même identité. temps, si t'es incarné sur Terre, c'est pour toi. C'est pour Oui. t'individualiser. C'est pour rester Ouais. soumis aux règles du collectif pour être pris dans le karma puis dans l'astralité là, du peuple auquel tu appartiens. Puis les règles du collectif, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est l'involution, donc de réagir psychologiquement devant les événements plutôt qu'utiliser l'événement pour nous servir. Donc, on revire tout. Faut tout revirer. Donc, puis c'est un peu le piège que je vois beaucoup de gens qui évoluent dans la conscience supramentale. Pendant plusieurs années, il y a vraiment eu une tangente de dire, ben, on développe l'intelligence, on développe l'esprit. Puis c'était parfait. Parce qu'il y a un ordre à toute chose. Parce qu'on ne peut pas aller, on peut pas intégrer l'aleph ou le principe universel de l'amour sans avoir intégré l'intelligence. Donc, ça prenait un grand mouvement très fort d'intelligence. Puis dire, bon, mais je développe mon identité, je développe ma définition de conscience, je développe un contact avec mon esprit. Donc, à chaque fois que je vis une opposition, je parle à mon esprit. Pourquoi? Pourquoi tu m'as fait ça? Tu me dois une réponse. Mais pourquoi tu ne me réponds pas? Parce que les gens vont dire, ben oui, je lui parle à mon esprit, puis il répond pas. Mais pourquoi est-ce qu'il répond pas? Mais vous n'avez pas encore d'énergie, assez d'énergie dans votre double. Donc, vous n'avez pas assez de colère, vous n'avez pas encore assez fait pour qu'il puisse vous répondre. Puis là, qu'est-ce que ça fait, ce temps-là? Ça devient très initiatique parce que tout d'un coup, on remet en doute. On remet en doute l'existence même du double. On remet en doute toute l'instruction parce que l'esprit ne nous répond pas comme on voudrait. Donc, ça fait aussi partie du passage initiatique de la fusion avec l'esprit que d'éliminer ce doute-là puis dire, ben, peu importe que tu me parles ou pas, je le sais que tu es là, puis un jour, tu vas être obligé de me répondre. Puis là, on peut lâcher un beau sac comme on fait au Québec. Mon tabarnak, tu es obligé de me répondre, là. Fait 6 mois, je te parle, tu me dis rien. Qu'est-ce que tu fais? Tu dors? Ah ouais, lève-toi le matin, parle-moi. C'est ce rapport-là continu. Puis si, quand on vit une tension, ben on regarde l'événement, on regarde l'extérieur, on regarde ici, ben on passe complètement à côté de pourquoi notre esprit nous a fait vivre ça. Donc, Parce que tout ce qu'on vit, oui. ça vient de l'esprit. Oui, dans un sens, parce que c'est lui qui a permis notre incarnation, puis le plan de vie, puis l'agenda collectif aussi, tu sais, ça a été choisi l'époque à laquelle on allait s'incarner, puis collectivement, ben, on a choisi de vivre une crise mondiale du coronavirus. ben, dans un sens, là. Mais en lien avec ça, puis je trouve ça très intéressant, la démarche que tu nous proposes aujourd'hui, c'est-à-dire de revirer les choses à l'envers. Parce que souvent, comme il était question tantôt, bon, tu disais, ben, au lieu d'avoir peur par rapport à ça, etc., ben, utiliser l'énergie, l'attention que ça génère pour retourner ça contre l'esprit, ben, c'est sûr que c'est intéressant parce que là, ça nous amènerait à changer d'état vibratoire pour goûter à une paix de l'esprit. Qui nous sortirait de la peur que peut engendrer là, la crainte de la pandémie ou des trucs corollaires qui s'y rapportent, là, que ce soit l'implantation d'un vaccin ou d'une puce sous-cutanée ou de porter un masque, là. Oui. Puis, ce que je dois mentionner, je t'écoutais parler, puis je me disais, ah, mais là, après, il faut apporter des nuances, puis des nuances, puis des nuances, Ben parce que la oui, ben oui. conscience, c'est juste ça, des nuances, c'est ce qui fait que c'est si riche. Comme tu disais tantôt, c'est pas parce qu'on a une colère envers l'esprit que ça va se régler demain matin, c'est l'esprit qui décide si ça se règle ou pas. Donc, on pourrait dire, bon, mais faut que je sois en colère à tous les jours, mais il y en a qui vont devoir être en colère tous les jours pour un certain temps. Ça ne veut pas dire que parce que je fais une colère à mon esprit que je pose pas une action. Ça, c'est important. De dire, bon, ben OK, disons, j'attrape un gros virus, que ce soit le coronavirus ou un autre, ou que je sois malade, ben, je peux confronter mon esprit et dire, ben, pourquoi ça? Pourquoi ça? Tu me dois des réponses, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Mais ça ne veut pas dire que je ne prendrai pas une action, dire, bon, ben, OK, si j'ai un trouble pulmonaire, je pourrais prendre des actions en fonction de ce que j'aime. Il y en a qui vont aller chercher la médecine allopathique. Il y en a qui vont dire, ben moi, je vais plus travailler avec des huiles essentielles, du massage pulmonaire. Il y en a qui vont dire, ah, ben moi, je préfère la réflexologie. Il y en a qui vont, peu importe, ce que vous préférez, allez-y en fonction de votre vibration, mais c'est dire, on prend une action aussi face à notre ressenti, puis là, on peut dire, ça devient un argument de plus face à l'esprit, de dire, regarde, j'ai posé action, j'ai fait ce qu'il fallait, bien maintenant, fais ta part. Donc, c'est important de pas dire, ben là, j'ai contesté, puis je fais rien. Donc, on n'est pas dans le je fais rien. On est OK, on conteste, mais qu'est-ce que j'ai à faire qui pourrait donner un coup de main? Parce que sinon, ce n'est pas intelligent. Donc, ça serait une façon de dire, ben, tu n'as pas intégré l'intelligence de ton esprit. Si tu lui remets tout comme si c'était bon, lui règle tout, mais fais ta part, là. Non, c'est ça, faut pas que la personne reste passive Ouais. en Parce que attendant si tu que es supposé de fusionner avec ton esprit, ben, il faut que tu aies le même torque que ton esprit, la même capacité d'action, si C'est on ça, veut. la même intensité énergétique. Ouais, Donc, ouais. autrement dit, la personne peut vivre un rapport de force avec l'esprit, puis simultanément se soigner, voire même prendre des précautions pour, par exemple, rehausser son système immunitaire en ayant des saines habitudes de vie pour faire face à la menace du coronavirus. Ouais, puis chacun prend les actions en fonction de ses vibrations, on pourrait dire fonction de ses croyances, peu importe, on s'en fout. L'important, c'est le rapport de force avec l'esprit, puis avoir des réponses, avoir des réponses, avoir des réponses. Donc, on dit, OK, j'ai une contrainte, donc j'arrête d'essayer de chercher le coupable, j'arrête de blâmer, de ci, de ça, c'est toute la perte de temps, perte d'énergie. C'est dire, OK, comment est-ce que moi, je gère ce qui monte? Est-ce que j'ai de la colère? Est-ce que j'ai du désespoir face au confinement? Est-ce que j'ai de la tristesse? Qu'est-ce que je vis? Puis comment est-ce que je le gère? Donc, il y a le terme diffraction que j'aime beaucoup. Donc, est-ce que je diffracte les énergies que je reçois? Donc, diffracter, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que je reçois, en fait, on reçoit tous des émotions. C'est pas l'ego qui génère une émotion dans le sens, bon, mais dans 10 minutes, je vais être content, dans 15 minutes, je vais être triste. Ça ne marche pas comme ça, tout le monde le sait. Donc, c'est une énergie qui nous traverse. Donc, quand cette énergie-là nous traverse, mais qu'est-ce qu'on fait avec? Est-ce qu'on blâme tout le monde? Ou est-ce qu'on est capable de dire, bon, mais je prends le temps de le vivre, je prends le temps d'intégrer ce qui est là pour pouvoir passer à autre chose? Parce que l'émotion, il n'y a pas de problème avec ça. Le problème, c'est quand ça se transforme en émotivité. Qu'est-ce que c'est de l'émotivité? Ben c'est pareil. Dans l'exemple de la colère, c'est de dire, ben je vais blâmer tout le monde pour ce que je vis, en oubliant que c'est mon esprit qui a tout décidé pour moi. Oui, ben c'est comme la personne qui va dire, ah, c'est de la faute les gens en Chine là, qui ont un laboratoire là, de niveau P4 qui aurait laissé circuler le virus. Donc, ils sont Ouais, comme les ça n'aurait pas dû responsables. sortir, C'est ça, da-da-da, c'est de exact. leur faute, puis peut-être c'est des scientifiques qui ont fait ça dans des laboratoires, puis là, on entend toutes sortes d'histoires qu'on pourrait se perdre dans ça. Donc, les gens, ils ont tendance à diffracter beaucoup, donc tomber en fuite psychologique face à l'émotion qui rentre. Alors, si j'ai de la colère, mais ça va face à l'esprit. Si j'ai de la joie, mais regardez, vivez-la, votre joie, profitez-en, profitez de ce beau moment, c'est parfait. Si vous avez de la tristesse, mais pleurez, c'est correct de pleurer. Il n'y a pas de diffraction d'en dire qu'on pleure. Le problème qu'on pourrait dire si on pousse la forme un peu plus loin, mais quelqu'un qui pleure le même événement pendant 20 ans, ben là, on pourrait dire, OK, ben probablement que là, lui, il se fait jouer quelque part dans sa tête. Parce C'est ça. qu'ultimement, je pense qu'on est obligé à ce point-ci de regarder, mais qu'est-ce qui rentre en nous? Donc, on a dit qu'il y avait des émotions qui rentraient, qui font partie de nous, qui sont normales, qui peuvent être diffractées, donc qui font partie des mécanismes psychologiques de défense de l'ego. Mais qu'est-ce qui rentre aussi? Nos pensées. Dans le milieu de l'étude supramentale, on entend beaucoup la phrase « la pensée vient d'ailleurs ». Donc, si la pensée vient d'ailleurs, d'où est-ce qu'elle vient? Puis ça, c'est fondamental. On entend toutes sortes de choses, mais à un moment donné, il faut prendre le temps puis décortiquer ça, cette histoire-là de pensée. Elle vient d'ailleurs. Donc, il y a une partie des pensées qu'on reçoit qui font partie de nous. Donc, il y a des pensées qui proviennent de l'esprit. Donc, toutes les pensées qui sont, on pourrait dire, assez froides, intelligentes, qui définissent notre identité, c'est l'esprit. Donc, si moi, je dis, puis tout le monde a un esprit, alors si je dis, bon, mais tu rentres pas chez moi, qu'est-ce que tu fais? Disons, on est 10 heures le soir, il y a quelqu'un que je connais pas qui rentre dans mon domicile, je vais dire, ben, qu'est-ce que tu fais là? Sors! Donc là, on aurait une pensée qui vient de l'esprit, donc qui définit mon identité puis dire, mais t'as pas le droit d'être ici, là, t'es pas chez toi. Donc ça, c'est une pensée qui vient de l'esprit, qui crée une définition. Mais là, il y a d'autres pensées aussi. Il y a des pensées qui proviennent de l'esprit universel. OK, ça ressemble à quoi une pensée de l'esprit universel, ça? Une pensée de l'esprit universel, ça va être, par exemple, je croise le même homme le lendemain, celui qui est rentré chez moi la veille. Je le vois sur la rue, puis on échange, puis il me reconnaît, puis il me dit, hey, je suis désolée pour hier, j'avais pris un coup, j'avais bu un peu trop, j'avais trinqué, puis je suis rentrée dans la mauvaise maison, hey, je suis vraiment désolée. Puis moi, je vais dire, hey, il n'y a pas de problème, ça peut arriver à tout le monde, tatata. Ta. Ou bien, donc ça va être toujours lié à l'autre, mon rapport à l'autre. Ou bien, on se promène dans la rue, puis je le vois, puis je lui dis, hey, pour hier, j'espère que je t'ai pas trop mis en choc. Donc, c'est vraiment d'être capable de toujours rétablir le lien avec l'autre. C'est des pensées comme ça que nous amène l'esprit universel. As-tu tenu compte de l'autre dans ta blague? Toi, t'as trouvé bien drôle ta blague, là. Mais l'autre, là, c'était comme aïe, aïe, ça n'a pas passé. Donc, c'est toujours le rapport à l'autre. Donc, lorsque on se dit, ah, mais est-ce que j'ai bien agi avec l'autre? C'était-tu correct? C'était-tu. Donc, là, on est en train d'essayer de trouver notre centre entre l'identité, donc l'intelligence, et le rapport à l'autre, donc l'amour. Donc, c'est le but, au fond, dans le quotidien, quand on est dans une démarche de conscience, c'est de rester en équilibre entre le pôle de l'esprit. Puis entre le pôle de l'esprit universel. Toujours être en équilibre. Si je suis trop dans l'esprit, je vais être un moron, un con, puis je vais faire chier tout le monde. Puis si je suis trop dans l'esprit universel, ben on va dire je baigne dans de la mélasse, là. Tu vas être un bisounours ou un Un bisounours, j'aime bien cette expression-là. On calinours. vit un bisounours. Dis Donc, autrement, mais la c'est ça. personne rentre chez moi à 10 h du soir, puis je lui dis, ah, ben bienvenue. Prends tout ce que j'ai, tout est à toi. Mais là, je serais beaucoup trop dans le pôle de l'esprit universel parce que je respecte pas mon identité. C'est ça, mais dis autrement, ce que tu fais allusion à l'esprit universel, c'est la polarité de l'ouverture à l'autre, tandis que l'autre, c'est plus la polarité du respect de soi ou de son identité, là. Donc, l'esprit, l'intelligence, c'est la définition de conscience personnelle, ouais. Puis l'esprit universel, c'est le rapport à l'autre. Donc le principe suivant qu'on intègre après avoir intégré le principe de l'intelligence, on intègre l'amour. Puis si on va bien, bien loin dans l'intelligence, puis on ne fait pas attention à l'autre, bien c'est là qu'on génère beaucoup, beaucoup de karma, puis ça va être difficile de pouvoir intégrer l'aleph suivant, donc le principe suivant, et de créer les corps aussi correspondants. Mais pour ne pas s'éloigner, on parlait de la pensée. Donc quelle sorte de pensée qu'on a? On a des pensées de l'esprit, on a des pensées de l'esprit universel, on a des pensées aussi qui viennent de la source. Ouh, là, ça commence à en faire du monde. Ceux-là sont plus difficiles à expliquer, à intégrer. Souvent, je vais parler de vulnérabilité quand je parle de la source. Pas une vulnérabilité comme victime, mais une vulnérabilité dans le sens, t'es à l'hôpital, t'as les deux jambes cassées, tu peux pas bouger. Donc, c'est comme dire, les pensées qui viennent dans ce moment-là, c'est comme une acceptation totale du fait que tu peux rien changer. Même avec toute la colère du monde, donc toute l'identité, puis on dit à mon esprit, moi, j'en peux plus, tata, tata, tata, puis avec tout le respect envers autrui de l'esprit universel, ben il y a une situation qu'on est obligé de vivre. Donc, la contrainte ultime totale où est-ce qu'on ne peut plus rien faire. Puis à un moment donné, on dit, OK. Ben, ce chemin-là, il a été choisi pour moi, là. C'est comme une acceptation de dire, ben, OK, je vis la vulnérabilité en maintenant l'équilibre parfait entre mon identité, donc l'intelligence, puis entre mon rapport à l'autre. Alors, c'est vraiment, moi, j'aime bien placer ça dans un triangle. L'esprit dans un coin, Oui, mais l'esprit universel dans les l'autre pensées coin. astrales, t'es mis où là-dedans? Je m'en viens. Donc, l'esprit universel, l'esprit dans un coin, l'esprit universel dans l'autre coin. On doit trouver le centre entre les deux. Puis ensuite, ben en haut du triangle, il y aurait la source. Donc finalement, il faut se retrouver dans le centre du triangle. Puis ce que j'aime bien dire aux gens, ça c'est quelque chose que j'explique dans les formations, le fameux triangle avec l'œil au centre ou le méchant Big Brother, tout ce qui est satanisé, qui est obscurisé, il y a un aspect de réel dedans. C'est cet aspect-là qui fait en sorte que ça a été accepté que ces formes-là, sataniques et autres, soient diffusées. Et encore, on en parle encore aujourd'hui, tu sais, du Big Brother, puis le triangle avec l'œil au milieu. Oui, qu'on peut retrouver sur le dollar américain, là, Exactement. Mais si on le prend dans le sens réel, si je demande pourquoi est-ce que c'est encore sur le dollar américain, pourquoi c'est une image qu'on voit encore, qu'on en parle encore, mais c'est parce qu'il y a un côté qui est réel, c'est de dire, tu as l'esprit. L'esprit universel, la source, puis l'ego doit être dans le centre. Puis la job de l'ego, c'est toujours rester dans le centre. Puis ce centre-là, mais il faut toujours le réajuster parce que les événements changent. Donc, il Oui, faut d'où respecter l'importance que notre l'ego soit identité, respecter centrique. l'autre. Pardon? D'où l'importance que l'ego soit centrique. Et d'où le terme centrique, c'est très bien dit. Ouais. Un ego centrique, c'est pas un ego dans son intelligence. C'est un ego qui a de l'intelligence, qui est toujours assis dans son intelligence, mais qui a l'esprit universel, qui est toujours assis dans l'esprit universel et qui est toujours aussi conscient de la source qu'il y a certains événements que vous ne pourrez pas éviter. Donc, on parle à ce moment-là de destin, de programmation, inflexible. C'est comme dire, il y a une par rapport à la source, c'est comme la vulnérabilité totale, ce qui pousse l'ego dans le principe de la volonté, pousser au maximum de dire, mais j'ai la volonté de dire, bon, ben OK, j'ai les deux jambes cassées, je suis obligée d'être ici, mais il n'y a rien qui va perturber ma conscience, mais rien, rien, rien. Je suis dans mon identité, je respecte l'autre, je tiens compte de l'autre, puis je comprends que je devais avoir les deux jambes cassées à l'hôpital, puis je vais le vivre, puis je vais le traverser, puis il n'y a rien qui va m'amener dans le monde de la mort, il n'y a rien qui va m'astraliser ou qui va me sortir de mon identité. Donc, pour revenir à ta question, puis aussi pour compléter d'où vient la pensée, parce que c'est une très grande question. Ben oui. Donc, on a des pensées de notre esprit, définition de conscience, l'esprit universel, le lien à l'autre, la source, donc l'inévitabilité de certains événements. Et ensuite, on a tout le reste. Oh là là, le tout le reste, c'est quand même quelque chose. Le tout le reste, ça va être toutes les énergies que l'ego n'est pas capable de supporter en lui-même. Qu'est-ce que ça veut dire? L'énergie que l'ego, si l'ego n'est pas capable de supporter la totalité de l'énergie de l'esprit, l'esprit est sur le plan surmental, donc s'il n'est pas capable de supporter cette lumière-là, on peut parler d'énergie, on peut parler de lumière, ça veut dire la même chose. S'il n'est pas capable de supporter cette énergie-là est récupérée par des entités, par des êtres, dans le plan qu'on appelle le plan astral. Puis ces entités-là vont venir transformer cette énergie-là, donc on pourrait dire colorer ou la rendre subjective. Donc on transforme l'énergie de la pensée, puis on la renvoie à l'ego sous une forme mutée, changée. Donc là, ça devient une interférence. Alors un ego qui dirait je suis stupide, ben inévitablement, c'est une pensée qui vient de l'esprit, qui a été transmuté par une entité, puis qui est revenu vers l'ego, qui dit, puis ça dit, je suis stupide. Mais en fait, c'est une entité qui dit, je suis stupide. L'ego reçoit ça dans sa tête, ça parle au je, donc il pense, c'est lui qui pense. Donc là, il est bien mal pris, parce que c'est une pensée qui n'est pas de son registre. Cette pensée-là fait pas partie de sa multidimensionnalité de conscience. Ça vient de l'extérieur. Donc, on Puis pourrait tout. dire que c'est une pensée intrue. Ouais, c'est un intrus. Exactement ça. Donc, Une il y a un intrue intrus psychique. dans notre structure psychique, donc une faille. OK. Fait qu'autrement dit, si la personne, pour réactualiser l'exemple dans le cadre du crise à coronavirus, ça lui dit intérieurement, j'ai peur du coronavirus. Il va me manger. C'est ça, exactement, où je vais le pogner, puis je vais faire une crise pulmonaire, ou, tu sais. Ça va être la fin du monde ou ma vie. Donc, parce que présentement, il y a sans doute des millions, voire des milliards de personnes sur Terre là, qui sont affolées là, devant le coronavirus puis qui vivent beaucoup à la peur. Quelqu'un qui vit une tension, dire ben oui, j'ai peur, ça me crée une tension. Donc lui, il doit poser une action. Dire bon, ben l'action, ça pourrait être ben je reste chez moi. Puis je Oui. suis les règles à la lettre, puis je lave toutes les pommes, toutes les boîtes de céréales, je lave les boîtes de sardines, je lave tout. Il n'y a rien qui rentre chez moi sans que je lave. Donc je vais poser une action pour enlever de la tension. Donc, on pourrait dire, au lieu de se faire tirailler dans sa tête puis de blâmer tout le monde, ben il prend des actions. Bon, Certains pourraient dire, ouais, mais c'est excessif, mais au moins ils soulagent comme ça pour l'instant. Oui, bien, sans contrôle, tu sais, si on pense aux troubles obsessifs compulsifs, la personne se lave 30 fois les mains par jour. C'est sûr qu'un contexte de coronavirus risque d'exacerber ça davantage, là. Oui, ben oui. Donc, idéalement, c'est d'être capable de dire, OK, comment est-ce que je peux gérer cette tension-là en dedans de moi? Donc, ça peut être de dire, bon, ben, je m'adresse à l'esprit, dire, hey, ça suffit, là, le niaisage, là. Puis, c'est tout le regard introspectif. Est-ce que j'en fais trop? La personne pourrait se dire, ben non, j'ai une grande greffe de rein, j'ai plus de système immunitaire, moi, je me sens bien de tout laver. C'est parfait. Puis, il n'y a pas de diffraction dans ça, puis, il n'y a pas de, c'est dire, mais la personne agit en fonction de ses propres paramètres, de ses propres tensions en fonction de son ressenti. Mais évidemment, ben, si la personne dit à tous ses voisins qu'il faut qu'ils fassent la même chose, puis s'ils ne le font pas, c'est des cons, ben là, là, on pourrait dire qu'il y a interférence. Donc, Ouais, parce chacun que si elle doit impose agir en ça, fonction de ses paramètres. c'est ça, c'est parce qu'il y a une limite à ne pas franchir pour pas. Imposer ça aux autres, comme un peu Ben les gens oui. qui sont moralisateurs ou des religieux qui veulent imposer leurs croyances aux autres, là. Ben oui. Donc, disons, moi, pendant une période, j'ai ma mère âgée à la maison, qu'il faut que je protège de ce virus-là. Donc, je vais suivre des normes peut-être beaucoup plus strictes. Puis, ça ne vient pas nuire à mon identité. C'est par respect pour l'autre. Donc, il y a des choses qu'on est capable de faire parce que c'est beau avoir de l'identité, mais il faut tenir compte de l'autre. Donc là, si on dit, bon, ben OK, ma mère a quitté, maintenant, comment est-ce que j'agis? Ben oui, je vais relâcher un petit peu parce que je sais très bien que une femme, dont si on regarde statistiquement ce qu'on constate dans l'information, une femme de 45 ans qui est pas malade, qui n'a pas une maladie chronique, les chances de mortalité sont à zéro. Parce que ce qu'on voit au Québec, puis moi j'aime bien regarder ce qui se dit au Québec, les chiffres ici, parce que sinon on finit plus, là, ben y a pas de décès en dehors des gens qui sont âgés et qui ont déjà une autre situation sous-jacente Tout au niveau ça, de un la santé. problème de santé, tu sais, ça peut être un problème Donc, pulmonaire. exactement. Donc, sachant ça, moi, pour moi, ça, c'est une information utile. On n'est pas dans une maladie que tout le monde l'attrape, puis là, ça crée des saignements partout, puis qu'on en décède. On n'est pas là du tout. Non, c'est pas comme Ebola ou ce que c'est une Eh hémorragie bien, mortelle que des c'est à jeunes ça de que je 20 ans référais. peuvent avoir, là, tu sais. Oui, on est vraiment dans le registre d'une grippe saisonnière, mais très contagieuse, mais qui, pour une personne en santé, oui, peut avoir des complications, oui, peut se retrouver à l'hôpital, oui, peut se retrouver sous respirateur, etc. Mais au Québec, nous n'avons aucun cas de décès chez une personne qui était en santé et qui était jeune. Donc, sachant ça, je me dis, OK, ça, c'est une information qui, pour moi, est intéressante. Mais une personne qui dit, ben moi, je suis pas tellement en santé, j'ai un trouble pulmonaire, j'ai ci, ben les paramètres vont pas être les mêmes que les miens. Exact. Donc, il va y avoir plus de précautions, c'est certain. Donc, chacun établit les précautions en fonction de qui ils sont, puis en fonction des gens avec qui ils demeurent, parce qu'il faut en tenir compte, puis en fonction de la société. Puis c'est pas parce que je respecte certaines normes de société qui pourraient être très compromettantes, même en termes de liberté individuelle, parce que moi, ça va jamais, jamais, jamais changer l'intégrité de ma conscience. Donc, ça m'inquiète pas. Mais J'ai pas d'inquiétude, j'ai une c'est continuité de ça, conscience. oui, au niveau de l'esprit, là. Je comprends, là, parce que tu es au-delà de la forme. Fait que si tu sors de l'identification au corps, puis tu fonctionnes en fonction de ton identification à l'énergie éthérique qui te compose, ben, à ce moment-là, tu es plus détaché de la forme. Mais en même temps, quand que je regarde les mesures draconiennes qui ont été mises en place progressivement, il y a comme une escalade. Et c'est sûr, ça me fait penser un petit peu au temps de l'Allemagne nazie. Si je pense à la situation en Pologne, ben j'avais vu le film Le Pianiste, où que tranquillement dans la société, là, vu que lui, l'histoire du film, grosso modo, c'est en Pologne pendant l'occupation allemande, tranquillement les Juifs, ils n'ont plus le droit de se promener sur le trottoir, ils n'ont plus le droit d'aller au café. Là, les réalités, les libertés individuelles diminuent, diminuent. Puis là, à un moment donné, ben, c'est au seuil qu'ils se ramassent dans des ghettos puis envoyés au camp de concentration par la suite. Donc, il y a quand même des limites. À céder à ses libertés individuelles parce qu'à un moment donné, il peut y avoir des dérapages sociaux importants, là. Mais ça, c'est encore la forme extérieure qui vient vers l'ego qui doit prendre ça individuellement. Donc, si on dit, OK, la contrainte advient étroite, il y a un abus. C'est pas parce qu'on a une conscience qu'on pourrait pas, dans certains cas, dire qu'il y a un abus. Mais encore là, c'est individuel. Il y a beaucoup de gens qui disent non, il n'y a pas d'abus, c'est parfait, puis qui se sentent même en sécurité. Puis il y en a qui disent, mais là, ça commence à exagérer, ça me crée une tension. Donc, c'est à chaque ego, individuellement toujours, qui doit dire, bon, mais celui qui dit, moi, ça me plaît, puis on voit que dans le pourcentage de la population, selon les statistiques actuelles, il y a plus de gens qui sont d'accord que de gens qui ne sont pas d'accord. Donc, les gouvernements maintiennent. Parce qu'évidemment, on pourrait aussi dire, mais toute dictature part de l'insécurité, puis les gens sont d'accord d'être couvés en certains, Ben, d'une c'est certaine ça, mais c'est sûr que là, mais présentement, dans le contexte, il y a un jeu médiatique qui fait que les ouais. gens sont poussés à avoir peur pour accepter des mesures qui, en temps normal, n'accepteraient jamais. T'sais, si on regarde en France, les gens qui deviennent dociles alors qu'il y a à peine quelques semaines, ils manifestaient les gilets jaunes puis confrontaient l'autorité avec des manifestations foules en masse. Ouais. Ça a tout éteint ça, là. Tranquillement, les gilets jaunes, on les voit plus, là, dans les villes Ah, manifester, mais là. ça recommence à manifester doucement, hein? Aux États-Unis, il y en a qui commencent en particulier, même armés, Oui. contre le confinement. Mais au-delà de tout ça, Oui. c'est de vraiment comprendre que si on met trop d'énergie dans cet aspect-là, notre tension, on s'en sert pas pour créer notre double. C'est là le problème. C'est qu'on ne se sert pas de l'événement pour grandir en conscience. On me dirait demain matin, là, dans ce cas-là, tu serais, on t'amènerait dans une chambre à gaz, puis on te tue, puis que tu contesterais pas, ta, ta, ta. Ben oui, je constaterais l'abus. Mais si je ne peux rien faire, je suis menottée, je ne peux, tu sais, la contrainte extrême, là. Si je peux rien faire, ben je vais dire, ah, ben c'est le temps que je parte de l'autre côté, je vais aller habiter mon double, puis. Un double, ben on parle d'immortalité de conscience. Puis de Oui, comprendre mais un ce exclut pas l'autre. phénomène-là d'une Un conscience exclut pas immortelle, l'autre. ça vient tout Ce changer. que je veux dire, c'est qu'un exclut pas l'autre. C'est-à-dire que quelqu'un peut vivre l'immortalité de sa conscience, mais en même temps, si on pense au contexte historique de la France, avec la Révolution où ils ont renversé les gens qui exerçaient une tyrannie, le peuple, donc ça peut être possible, pourquoi pas faire ça peut être possible les deux, que les gens contestent les autorités s'il y a trop d'abus en vue d'instaurer un ordre nouveau. Ben, si vous voulez aller dans la rue et contester, vous allez dans la rue et contester. Mais si vous contestez dans la rue contre tel gouvernement, ben sachez que derrière tel gouvernement, il y a des individus. Puis derrière ces individus-là, qu'est-ce qu'il y a? Des pensées qui sont verbalisées. Puis, qu'est-ce qu'il y a derrière les pensées? Bien, chacun a l'esprit universel, la source, mais aussi toutes les interférences, toutes les forces descendantes. Donc, lorsqu'on fait un rapport de force avec l'esprit ou avec peu importe qui vous voulez en haut, vous pouvez engueuler n'importe qui, là. Vous pourriez envoyer la colère envers les entités astrales, envers les entités surmentales, parce que ce sont ces mêmes entités-là qui contrôlent les gouvernements que vous contestez dans la rue. Oui, Donc, donc ça serait de faire une contestation directement à la source plutôt que les intermédiaires visibles de cette structure. moi, je ne serais pas intéressée à aller dans la rue. Ceux qui le font, je les jugerai pas, puis je vais dire, mais c'est parfait. Mais moi, je suis beaucoup plus intéressée de dire, bande de salauds en haut, là, commencer à changer de discours, amener un peu d'intelligence, amener un peu d'amour, amener un peu de ta ta ta ta ta ta. Puis si je leur dis ça dans la situation actuelle, disons, je dis ça à l'esprit, à l'esprit universel, ben ils me disent, c'est exactement ça qu'on fait. Parce On crée que, de la contrainte. en tout cas, Pour que les gens soient tellement contraints qu'un jour sont obligés d'aller chercher des réponses en dehors des médias traditionnel. principaux, puis dire, mais là, il y a un occulte derrière qu'il faut que je comprenne, ça n'a plus de bon sens. Avec l'évolution de la société actuelle, l'évolution des consciences, la psychologie que les gens ont en général, ils vont dire, mais ça n'a pas de bon sens qu'on vive, c'est outrageux de vivre des Ben, choses c'est comme ça. ça, on se croirait au Donc, Québec en quelques mots devenu en Europe de l'Est ouais. l'un des territoires là, où ce que les gens font de la délation, ils espionnent les autres. Ah, on a vu un groupe là, de quelques personnes, ils sont pas à 2 mètres, là, ils font venir la police, puis tout le monde, Ben et puis oui, tout le ben oui. monde. Fait que ça crée une tension sociale qui est palpable, où les libertés individuelles sont brimées, sont limitées aussi en même temps. Fait que c'est comme une espèce de climat paranoïaque là, où ce qu'il y a des espions un peu partout qui peuvent nous surveiller, puis nous épier, puis nous filmer avec les caméras au cas où on est à moins de 2 mètres avec quelqu'un. Ouais. C'est un crime grave où on peut avoir une contravention de 1 000 $. Tu sais, c'est fou, là. C'est pour ça qu'il faut vraiment, tu sais, quand je dis c'est une inversion complète, complète, moi, on me dirait, ben, on mettrait une puce sous-cutanée, on me vaccinerait, on me ferait quoi que ce soit. Ben, évidemment, je ne le ferais pas volontairement, mais si j'y suis soumise de force, ben, moi, je vais avoir des gros rapports de force, soyez assurés. Ils vont m'entendre en haut, là. Je vais dire, hey, vous allez vraiment trop loin, c'est de l'abus. Donc, au lieu de dire ça à l'infirmière ou au politicien qui, lui, est manipulé, ben, je vais aller directement à la source de où est-ce Mais qu'eux autres, pourquoi leurs ne pas pensées agir proviennent. sur les deux niveaux? Pardon? Pourquoi ne pas agir sur les deux niveaux, c'est-à-dire Ben, une contestation directement à la source? Oui? quelqu'un qui veut le faire sur les deux, il peut. Ben évidemment, ça ne donne rien de contester contre l'infirmière. On peut dire, bon, ben OK, je vais aller dans la rue, puis les petits chats. Je vais aller dans la rue pour contester, pour mettre un poids. Ben oui, vous pouvez le faire, mais aller dans la rue en sachant que vous contestez les décideurs, mais qui ne sont pas humains. Qui sont toutes les pensées de diffraction qui rentrent dans les humains, puis les humains qui sont pas capables de dire non, ça, j'embarque pas. Ben, Parce que ouais. l'être humain n'arrive pas encore aujourd'hui à faire un tri parfait de ses pensées. Puis il est là le problème. Il n'est pas ailleurs. L'être humain n'arrive pas à faire le tri. Donc, étant donné qu'il n'arrive pas à faire le tri, puis dire, ben, je prends seulement les pensées de mon esprit, l'esprit universel, la source, je ne prends rien d'autre. Donc, il peut pas. S'il faisait demain matin, qu'est-ce qui arriverait? Mais le système nerveux sauterait. On aurait des cas d'anxiété partout, de dépression partout, parce que ça serait trop de lumière ou d'énergie qui viendrait dans le système nerveux, dans le système humain. Donc, serait pas capable de l'absorber. Donc, ils peuvent pas. Non, sont pas capables. Puis chacun est rendu à une capacité différente. Donc, ceux qui sont capables d'en absorber plus, ben, on peut dire tant mieux pour eux. Ceux qui sont capables, moins capables, mais sont rendus dans un autre temps, tout simplement. C'est pas mieux ou moins bon. Leur temps n'est pas le même. C'est bien comme ça, j'aime l'apporter. C'est une question de temps. C'est pas une question qu'un est mieux que l'autre. Donc, c'est dire que ceux qui sont pas capables de le supporter, qu'est-ce qui va arriver? Ben, leur parole va être empreinte d'une énergie mensongère. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ils vont se faire jouer dans leurs paroles et donc dans leurs actions aussi, ça va avec. Donc, par des pensées astrales, donc ils peuvent se faire astraliser, on utilise souvent ce terme-là. Donc, on reçoit une pensée astrale, je suis pas bon, j'y arriverai jamais, ta-ta-ta, je suis une guenille. On le croit, donc là, on se met dans des schémas qui sont mensongers face à notre identité. Quelqu'un qui est dans son identité va dire, hey, c'est qui parle? Voyons, je suis pas intéressé à ce pensée-là, dehors. Non, c'est Donc, ça, il va ça, contester automatiquement au lieu ouais. d'être en mode hypnose ou pilote automatique. Ouais, exactement. Donc, il y a une conscience que faut toujours faire un tri de la pensée. Si ça coule bien, ben ça coule bien, on laisse aller. Mais dès qu'il y a une tension intérieure, dit wow, hey, ça, c'est une pensée qui vient me dire quelque chose que je suis pas. Donc, tout ce qui vous amène à penser que vous êtes un être inférieur à qui vous êtes, puis finalement, tu sais, un être intégral, ben, c'est de la lumière pure. Donc, tout ce qui vient vous dire que vous êtes moins que ça, vous le jetez dehors. C'est simple comme ça. Puis, donc, toutes les pensées astrales qui nourrissent les entités astrales, comme je parlais, puis aussi toutes les entités surmentales, parce qu'il y a le plan surmental aussi qui vient interférer. Quand on parle, là, on embarque un peu dans un autre sujet, mais tous les êtres extraterrestres, quoi, ça existe des extraterrestres, bien sûr, mais pas matériellement parlant, dans le sens qu'on les voit pas, ils se présentent pas à Ben, nous. quoique des gens qui affirment avoir été témoins de matérialisation Oui, d'extraterrestres il y en devant a eux, eu. voire même enlevés dans des vaisseaux spatiaux pour procéder à des expériences. Mais ça, c'est pas des matérialisations. Ça, il y a une petite nuance, là. Je pourrais en parler parce que je l'ai vécu. OK. Mais, T'as été enlevé? ben, en fait, si je parle un peu de ces êtres-là, comment est-ce qu'ils Oui. fonctionnent, les extraterrestres sont des êtres sur le plan surmental qui absorbent, donc, parce que si on regarde les plans, disons, à Oui. partir du plan astral, il y a astral, surmental, supramental. Alors, toute l'énergie supramentale, donc du principe de l'amour, parce que pour créer un plan de conscience, là, je recule un peu, du plan supramental au plan surmental, on a retiré l'énergie de l'amour, donc le principe de l'amour. Donc, il y a eu diffraction, rejet, on a enlevé quelque chose. En enlevant le principe de l'amour, ben cette énergie-là, c'est la même chose que je parlais tantôt avec le plan astral. Donc, elle est déformée, elle est réutilisée, transformée pour être envoyée en une pensée mensongère dans l'ego. Donc, ces êtres-là, extraterrestres, qu'on les appelle, peu importe le nom, là, qu'on les appelle des archontes, des reptiliens, des si, moi, ça m'est égal, là. Vous pouvez vraiment mettre le nom que vous voulez. Écoutez le film Star Wars, ça vous donne un très mince aperçu du nombre de races. Très mince. Donc, de parler juste de archontes, juste de C'est reptiliens, ça. on passe à côté. Non, c'est Donc, ça. c'est pour ça que j'aime C'est... parler Ouais. globalement, parce que ce sont des races. Donc, il y a beaucoup de races qui servent à absorber l'énergie supramentale que l'ego n'est pas capable de supporter en lui-même. Donc, ils se nourrissent de cette énergie-là. Sur le plan surmental, qui est aussi le plan de l'esprit, donc sont sur le même plan, nos esprits et les extraterrestres sont sur le même plan. OK. Donc, ces esprits-là, ces êtres-là, extraterrestres, qu'on les connaît sous ce nom-là particulièrement. En fait, ils vont. Ouais, j'en étais. J'ai perdu mon fil. Qu'est-ce que je voulais dire? Ben, tu parlais de la fonction des êtres extraterrestres sur le plan Ah oui, surmental. ah oui, les lignes de temps. OK, merci, ça me revient. Donc, ces êtres-là ont l'intelligence, sont extrêmement intelligents et ils ont entre autres la maîtrise des lignes de temps. Pas toutes les races au même point, mais il y a plusieurs des races extraterrestres qui contrôlent les lignes de temps, donc qui savent comment manœuvrer avec ça. Ben, Parce que c'est-à-dire les lignes. voyager dans le temps. Ah, eux autres, ils ont eu. Ils peuvent Ah voyager oui. dans le passé, dans le futur de l'humanité. Eux autres travaillent beaucoup avec les lignes de temps. Je dirais, ce qu'ils font le plus, c'est un chevauchement de lignes de temps. Parce que tu as parlé d'abduction tantôt, alors Oui. ça m'amène un peu là, de dire comment est-ce que ça se produit, ces abductions-là. Donc, ce n'est pas normalement un phénomène matériel. Je ne dis pas que c'est impossible, mais très souvent, ce n'est pas matériel, c'est immatériel. Mais on les voit vraiment comme s'ils étaient là, là, c'est quand même. C'est pas rien, là. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ils prennent leur ligne de temps et la font chevaucher sur un espace-temps d'un ego humain. Donc, ils pourraient, par exemple, mettre leur ligne de temps sur moi. Je suis couchée dans mon lit puis je dors pas. Et tout d'un coup, je réalise, oui, je suis encore dans mon lit, mais je suis aussi sur une table d'opération dans leur vaisseau. Donc, je suis à deux endroits en même temps. Donc, les gens qui aurait dit, qui conteste la réalité de ça, vont dire, ben non, il n'a jamais quitté son lit, donc c'est de la foutaise. Mais là, on parlerait d'une forme de bilocation. C'était deux endroits en même temps. Donc, ce qui arrive, c'est que la personne est dans, oui, est dans deux endroits en même temps, exactement. Puis, elle perçoit très clairement où est-ce qu'elle est. Donc, moi, quand je l'ai vécu, j'étais dans une salle, il y avait six reptiliens autour de moi. Puis ils ont essayé certaines expériences sur moi, puis mon esprit m'a dit qu'est-ce qui se passait, puis j'ai été capable de mettre fin à la ligne de temps, donc à enlever leur ligne de temps. Qu'est-ce Parce que moi que aussi, j'ai un esprit. Mais qu'est-ce que tu as fait pour sortir de leur emprise? En fait, ce que j'ai fait, ça s'est fait vraiment naturellement. On n'a même pas le temps de penser. Ça, je peux vous le garantir quand on se fait faire des choses. Ce qui est intéressant de comprendre, on a un esprit universel. Donc déjà, on a une connexion qui est très grande, on a une expérience mémorielle en arrière de nous. Donc j'ai compris que j'avais déjà fait ce que j'ai fait pour me libérer. Puis ce que j'ai fait, j'ai senti comme une grande force sortir de mon plexus solaire, comme une boule, puis qui est venue comme tout enlever les autres lignes de temps que celle dans laquelle je vivais au préalable, là, avant qu'ils viennent chevaucher. Puis ça a tout arrêté l'expérience, mais instantanément, ils ont disparu. OK, puis ça, est-ce que c'est un mouvement comme une espèce de boule de feu qui émane de toi, une espèce de rayonnement énergétique? Ça émanait de moi. OK. Ce qu'il faut comprendre, c'est que plus on comprend, on connaît nos corps subtils, mais plus on voit à quel point que ça nous sert. Dans le sens, je vais donner un exemple peut-être un peu bizarre, là, mais c'est comme dire aujourd'hui, ben, les gens se déplacent avec, par exemple, des voitures qui sont des véhicules extérieurs à leur véhicule humain, leur Le corps. véhicule physique, oui. Mais plus on avance dans la construction de nos corps subtils, Parce que c'est vraiment de ça qu'on parle quand on parle de création du double ectérique ou du couple cosmique qu'on peut aussi appeler le corps supramental. Plus on avance dans cette compréhension-là des corps, puis dans l'expérience surtout, plus on réalise que ça devient nos véhicules. Donc on pourrait dire ces corps-là nous servent. Alors notre double peut nous servir, le corps du couple cosmique peut nous servir pour, par exemple, nous déplacer dans des plans subtils ou pour créer des effets comme cette fameuse boule-là. Ben moi, j'étais même pas consciente que si on m'aurait dit ça 2 jours avant, j'aurais dit je sais pas de quoi tu parles. C'est Ça s'est ça, fait mais pendant que tu naturellement. l'expliques, ce qui m'est venu en tête comme explication, c'est que c'est une micro-pulsation de ton esprit qui a créé un choc énergétique qui a fait en sorte que ça leur a créé une tension, puis il fallait qu'ils s'en aillent parce qu'ils ne pouvaient pas supporter l'amplitude de la micro-pulsation. On pourrait dire micro-pulsation, mais micro qui a pris le bain de la place, c'était comme une Ouais. sphère qui faisait wouh. On pourrait voir Ah, dans ah, ah, ah, un je dis film de science-fiction où écoute Je dis ça en même temps, puis il me vient l'image du soleil qui va faire le rayonnement d'une activité intense de rayonnement énergétique, là. C'est-à-dire, t'interfères pas dans ma réalité, là. C'était comme une Exactement. grosse colère, là. C'est comme non, tu rentres pas ici, là. C'est ça, c'est une espèce d'affirmation identitaire, vibratoire, fondamentale qui a émergé, qui a neutralisé leur emprise. Puis, mais il y a quand même. Je comprends que ce que tu dis par rapport aux extraterrestres sur le plan surmental, mais il y a quand même sans doute une dimension physique parce qu'après tout, il y a des femmes qui ont reporté Ouais, ils d'avoir peuvent se été implantées matérialiser, tout à fait. des fœtus là, à l'intérieur d'eux, là, d'elles, là, Oh, de ouais, c'est bébés réel. issus d'une Ils peuvent. hybridation. Mais comme nous, on a plusieurs corps dans plusieurs champs de conscience. Donc, on a un corps éthérique, un corps astral, un corps mental inférieur. Puis plus on avance dans l'évolution humaine, bien de plus en plus on constate qu'il y a des gens qui ont le corps surmental, qu'on appelle le double ou le double éthérique, double cosmique, peu importe le nom qu'on donne. Puis Oui. plus on avance, plus il va y avoir des gens qui ont aussi le corps supramental. Donc ce sont des corps qu'on a qui sont sur plusieurs niveaux de conscience. Donc c'est la même chose avec eux, les extraterrestres, mais ils habitent pas juste sur un corps, là. Mais Leur conscience est sur le plan surmental. L'être humain qui a pas de double, ben, sa conscience est sur le plan astral. Donc, exact. l'extraterrestre devient intimidant. Oui, c'est ça, mais pour ce qui est, comment t'expliquerais le phénomène de femmes qui rapportent avoir été mises enceintes par des extraterrestres, qui auraient été fécondées par eux pour donner place à des êtres humains hybrides? Ah, ben, c'est les races, des fois, il se passe des choses, hein. Puis ça, c'est depuis toujours. Il y a des mélanges de races depuis longtemps, longtemps, longtemps. Même la race humaine telle qu'on la connaît, c'est un mélange déjà de races extraterrestres, de reptiliens. Si on parle de cerveau reptilien, on se pose pas trop de questions. Oui. Mais on est déjà fait de toutes sortes de races, déjà. Donc, de dire que ça se fait encore, mais ben, pour moi, c'est normal. Puis oui, il y a matérialisation parfois, c'est très rare. Moi, j'en ai pas été très consciente souvent. J'ai été consciente d'une fois une matérialisation extraterrestre, mais c'était d'un vaisseau, c'était pas l'être comme tel. Mais j'en ai vu beaucoup, beaucoup, beaucoup, des milliers, mais dans les plans subtils. Donc, à partir du moment qu'on perçoit dans les plans subtils, il y en a plein de gens qui veulent voir dans l'invisible, mais je vous jure, c'est pas si le fun que ça, parce qu'on voit pas juste ce qui est beau. Donc, on voit ces êtres-là aussi, si sont nombreux, mais ça peut avoir l'air assez intimidant. Les films d'horreur qu'on voit, les aliens et compagnie, je peux vous assurer que c'est pas juste un film, là. Dans le sens que leur Oui. forme physique correspond vraiment à la réalité, là. Donc, Exactement. il y en a beaucoup. Oui, ils peuvent se matérialiser. Puis oui, les mélanges, ça existe depuis très longtemps, puis ça va pas arrêter demain matin. OK. Mais pour en revenir par rapport au sujet que je voulais aborder avec toi, c'est-à-dire la crise du coronavirus, selon toi, est-ce que y a une raison particulière qu'on vit présentement cette crise-là au début d'une nouvelle décennie 2020 plutôt qu'il y a 10 ans ou dans 30 ans? Y a-t-il une raison particulière présentement qu'on expérimente ça? OK, c'est une très bonne question. Je vais répondre la question bête, la réponse bêtement, puis après je vais répondre plus. La réponse bête, ben la raison est individuelle à chacun. Bon, ça c'est la Bon, oui. réponse bête est courte. Il y a une réponse plus grande. Ça, OK. je peux vous garantir. À un niveau plus collectif, oui, il y a aussi des réponses. Puis là, je peux juste vous parler encore une fois de mon expérience personnelle parce que c'est vraiment tout ce que je parle, que ce soit dans mon livre ou autre. Je pars toujours de mon expérience personnelle. Je me réfère à aucun ouvrage ou aucune information extérieure que j'ai pas C'est validée. parfait comme ça. Donc, ouais. J'aime mieux que Donc, tu te réfères à toi-même que de te référer au petit Jésus ou à Bouddha. ouais, exactement. Donc, je fais le tri de tout ce qui vient vers moi par ma pensée ou par où que ce soit d'autre. Il y a toujours un tri. Parfait. Donc, dans les, disons, si on parle de coronavirus, dans mon expérience des dernières semaines, au niveau individuel, ce que j'ai vécu, je pourrais dire, il y a deux choses que j'ai vécues qui m'ont donné de l'information sur une échelle plus large. La première chose, en fait, j'ai été malade et alitée pendant 3 semaines par un virus. Je n'ai pas eu de fièvre, mais j'ai eu tous les autres symptômes du coronavirus, qu'on parle de toux, qu'on parle de fatigue, qu'on parle de... C'est arrivé quand? Quelle Que j'ai eu date? ça? Ouais, quelle date à peu près? Ouh là là! Mois de mars? Mi-mars, peut-être? OK. Donc, ça fait pas longtemps que je me... fait pas longtemps Ah, OK, qu'on parce finit que en c'est intéressant parce que tu ville, vois, moi, j'ai vécu ça, tous les symptômes du coronavirus le 1er février. Je m'en rappellerai toujours. Ça a commencé à date de mon anniversaire. Puis dans les jours qui ont suivi, pendant 2, 3 semaines, puis je trouvais ça plus intense qu'une grippe normale. Fait que j'ai pas passé de test pour me certifier là, rétroactivement que c'est bel et bien ça, mais de ce que j'ai vécu, ça correspond. Puis toi, tu as vécu aussi quelque chose d'intense à ce niveau-là. Fait que ça devient intéressant justement. Je vais te laisser continuer là-dessus. Donc j'ai été au lit 3 semaines avec tous les mêmes symptômes. Je me suis fait tester et c'était négatif. OK. Mais reste que, bon, perte d'odorat, bon, j'ai eu tous les autres symptômes sauf la fièvre. Donc c'était quand même intéressant, mais pour moi, c'est pas important comme tel à dire est-ce que finalement c'était ça, c'était pas ça. J'irai pas contester le test. Moi, ça m'est égal. C'est l'expérience qui est importante. Alors, l'expérience pendant que j'étais au lit, avec tous les syndromes ou les problèmes respiratoires qu'on pourrait dire, je me sentais oppressée, les poumons avaient de la difficulté. Donc, je dormais avec un diffuseur, avec un mélange de 6 huiles essentielles pour essayer d'ouvrir les poumons. Puis de... Donc, j'étais vraiment là, aux petits soins envers moi-même parce que ça n'allait pas du tout. Puis, il y a un soir que je me suis couchée, j'avais vraiment, vraiment de la difficulté à respirer. Puis j'ai été amenée sur un plan de conscience, puis j'ai réalisé que j'étais en surmental, puis j'étais tellement bien, c'est comme si ben, je suis sortie de mon corps en quelque sorte pour aller dans mon double, mais sans garder trop d'attache dans le physique, là. Très, très peu, on peut dire. Je ressentais plus du tout mon corps. Puis je prenais conscience de ce que je vivais, puis j'étais tellement bien. Puis, je dois mentionner en parenthèse, c'était pas la première fois qu'on m'amenait dans des circonstances. C'est comme mourir finalement, qu'on n'a plus d'attache avec le corps physique. Donc, c'est des expériences, comme on pourrait dire, de mort imminente ou de peu importe les noms qu'on voudrait dire. Donc, c'est comme des expériences qu'on sait qu'on est dans un entre-deux, là, qu'on est en passage ailleurs. Donc, je me retrouve dans ce passage-là ailleurs. Avec un bien-être total et absolu, puis ah, mais qu'on est bien, c'est extraordinaire, je pourrais m'en aller, puis il n'y aurait pas de problème. Puis j'ai demandé, mais pourquoi je suis ici, qu'est-ce qui se passe? Puis mon dôme m'a répondu, mais t'es ici pour faire du ménage, parce que là, de plus en plus sur la Terre, il y en a du monde qui ont des doubles, hein? On ne parle pas d'une, deux, 10 personnes, là. Il y en a des milliers. On est nombreux sur la Terre avec des doubles. Ben moi, je trouve que ça se voit pas tellement parce que s'il y en aurait tant que ça, on serait pas pris dans une société où les gens ont peur qu'on aille au supermarché ou qu'on se promène sur la rue. Puis, tu sais, Mais je dis des milliers, je dis pas des millions. OK, bon, c'est important de faire la nuance ici. C'est une nuance importante. Il y a des milliers de personnes avec des doubles. Vraiment, vraiment, là, il y en a beaucoup, beaucoup. Si je regarde juste les gens qui consultent mon site, on est dans les 5 chiffres, là. Donc, il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à ça. Donc, je peux m'avancer très facilement, dire on est 5 000, 10 000, 20 000, 30 000, qui sont dans la création du double facilement, puis de plus en plus, parce que les gens s'intéressent beaucoup, beaucoup à ça. De plus en plus, mais non pas la société. Certains individus, puis c'est encore un pourcentage très minime, très, très, très minime, on s'entend. Donc, on se Parfait. comprend que c'est pas encore partout. Donc, ce qu'on m'a dit pendant Oui. cette expérience-là de mort ou de quitter mon corps, en quelque sorte, quitter le corps physique, c'est que j'étais en train d'élargir ou de nettoyer le passage pour que ceux qui quittent avec leur double ne tombent pas dans la crainte ou dans la peur. C'est comme dire, au Mais attends Québec, une on minute, connaît ça, pourquoi les que... charrues, là, c'est comme dire, on Oui. enlève un petit peu plus de neige dans la rue OK. pour que le passage se fasse mieux. Mais pourquoi que ça serait à toi de faire ça? En haut, ils sont pas capables de s'arranger tout seuls. Ben, en fait, tous ceux qui font un travail vont aider les suivants. Comme on pourrait dire, Bernard de Montréal, qui a été le premier au Québec, mais ben, lui, il a passé une grosse charrue déjà. Ensuite, c'est de dire, ben, on en passe d'autres. Alors, chacun qui crée son double, chacun qui travaille sa conscience va ouvrir la conscience pour les prochains. On fait un travail. Donc, moi, ce que je fais pour aider les autres, ben, ça me permet aussi de prendre conscience où est-ce qu'on en est à un niveau de société, parce que là, ta question, c'était, oui, mais à un niveau plus global, est-ce qu'il se passe quelque chose? Mais pour avoir une idée plus globale, mais faut vivre des expériences individuelles pour avoir des réponses globales. Puis pour avoir des réponses globales, mais faut aller sur des plans où faut qu'il y ait des contacts qui se fassent pour avoir des informations plus globales. C'est ça, puis Donc, il peut connaître une globale individuation en lien avec le développement d'un contact avec l'énergie de l'esprit universel. oui. Oh Donc, moi, vivant cette expérience-là de décorporation matérielle pour aller dans mon double, oui. ben, j'ai eu de l'information comme quoi il y avait du ménage. Puis, je suis certaine que je n'étais pas la seule en train de faire du ménage non plus. Mais j'ai pris conscience que j'étais, entre autres, en train de faire du ménage pour favoriser l'accès, pour que ça soit plus facile, pour Mais ça te que garde les personnes. dans un rôle spirituel, c'est-à-dire tu fais du ménage pour les autres, tandis que moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire le ménage à l'intérieur de moi, oui, mon astralité, mais je ferai pas le Ben ménage oui. là chez les voisins, puis Oh, mais là, je fais pas le ménage des consciences des autres. Là, je suis en train de dire, on nettoie l'autoroute, là. OK, ben c'est important de faire des nuances ici, là, parce que Oui. sans ça, le Ah, mais non, moi, je piège. me promène pas dans les consciences des gens, Non, là. Non, non, non, non. mais c'est parce que si tu fais du ménage, par exemple, de la terre pour préparer le terrain, ben à quelque part, tu t'inscris dans un agenda spirituel. Tu sais, tu deviens au service du collectif, puis tantôt Moi, tu j'ai pas parlais demandé d'aider de faire autres. ça. Je me suis fait propulser là, puis j'ai pris conscience que mon esprit, c'était ce qu'il était en train de faire à ce moment-là. Parce que Mais souvent, ce qui arrive, on est multidimensionnel, puis on oui, l'oublie. OK. L'ego, il fait quelque chose. Il travaille, il a un emploi, ou il est en confinement, mais l'esprit, il n'est pas en train de rien faire. Lui aussi, il a un travail. Il y en a qui sont architectes des plans, il y en a qui créent des formes pour telle raison, il y en a qui. Il y en a qui sont en réunion, les esprits ont un travail. Donc, moi, j'ai pris conscience sur le plan de mon esprit que j'étais en train d'aider, d'ouvrir le passage pour ceux qui ont des doubles pour faciliter. On pourrait dire de l'entraide, ben, tant Ben là, mieux, parfait ça donne si. une couleur spirituelle, dans le sens aider, c'est pas mauvais, là. Mais le point, c'est que ça peut t'amener dans le rôle implicitement du sauveur qui va Oh, ben moi, aider j'ai ou... personne à sauver. OK, mais... Je me suis occupée de moi, puis si Ben à ce mon moment-là, esprit. pourquoi t'aurais aidé à des gens si t'as pas personne à sauver? Ça, c'est le principe de l'amour. Donc, on est. C'est comme dire, ben si je favorise le passage pour l'autre, ben tant mieux, moi, ça me fait plaisir. C'est comme une générosité naturelle. C'est comme dire, ben Bernard, il a favorisé pour les autres. Ben tant mieux, c'est une générosité naturelle qui fait Oui. partie de la nature humaine. Parce que si on enlevait toute la générosité humaine, hey, ça serait triste sur la Terre, je vous jure, on serait une gang de Non, robots. Tu non, sais, non, c'est. certainement, mais je me permets de faire avec toi un petit peu l'avocat du diable pour Ben, aller je chercher sais, des fais nuances, là. bien. Des nuances entre c'est quoi la générosité Ouais. versus tomber dans le rôle spirituel du Ouais. sauveur qui va vouloir aider. La nuance, c'est que je perds jamais mon identité. OK. Si on veut une réponse courte, là, je perds jamais mon identité, puis c'est jamais en bisounours. Je le fais parce que j'aime l'être humain. OK. Parce que vraiment, j'aime l'être humain, sinon je pourrais pas faire le travail que je fais. J'adore l'être humain, tu sais. Moi, je dénonce tout le mensonge que l'être humain se fait apposer. Puis pourquoi je fais ça? C'est pas à mon détriment. Je fais ça par amour pour l'autre, puis il n'y a rien de bisounours là-dedans. Puis au C'est fond, ça. c'est le fondement d'une démarche de conscience de dire, bon, ben, la colère que l'individu développe par rapport à son esprit, c'est intéressant de réaliser que quand on est en colère, c'est toujours aussi en amour pour l'autre. Ça, c'est le fun de le faire, ce petit lien-là. Parce que si je suis en colère contre une entité qui vient parler dans la bouche de mon voisin, oh, puis dire, hey, c'est assez, là, ce niaisage-là, puis je rentre en confrontation contre l'entité qui l'empêche d'être vrai, ben c'est par amour pour l'autre. Donc, ultimement, c'est pour ça qu'on dit aussi qu'on ne peut jamais blâmer l'autre. Parce que blâmer l'autre, c'est une diffraction. Donc, c'est dire, ben entre individus, on est toujours ensemble, puis on s'entraide. Contre quoi? Tout ce qui n'est pas réel, contre tout le mensonge cosmique, donc contre toutes les interférences qu'on reçoit continuellement. Donc, c'est Exact. un peu ça de dire, Oui. mais les questions sont bonnes parce que c'est tellement de la nuance, la conscience, puis c'est facile d'interpréter, de dire, ben parce qu'elle dit ça, elle ça, puis oh là là, tu sais, oui, on peut aller loin, puis c'est pour ça que c'est important tes questions, que je sais que Oui, mais mon but, c'est de t'amener plus loin dans la Oui. parole pour approfondir la T'es très compréhension. bon dans ça, Bon, d'ailleurs, je dois dire, là, t'es très, très bon. je te remercie, mais pour Faut en quand revenir à ce même que le tu dire, disais, ça. pour fermer la parenthèse puis reprendre le fil. Mais j'ai pas perdu le fil OK. que, justement, le fait que j'ai réalisé que j'étais en train de faire un ménage dans le Oui. passage pour les gens qui ont des doubles. Alors, j'en ai pris conscience, donc je me suis dit, oh, c'est intéressant, il y a plus de gens qui ont des doubles, puis là, il faut ouvrir le passage éthérique un petit peu plus grand. J'ai dit, bon, d'accord. Je peux vivre avec cette réalité-là, c'est parfait. J'ai pas de trouble avec ça. L'autre expérience que j'ai vécue, donc individuellement, mais face à une situation plus globale, je prends des marches aussi, je me déconfine, on a encore le droit de prendre des marches au Québec. On ne sait pas pendant combien de temps, là, mais On ne sait pas combien de temps, mais en tout cas, au Québec, on peut prendre des marches. Puis Oui. j'ai pris une marche, je me suis retrouvée passer à côté d'un cimetière. Puis tout d'un coup, j'ai une vision très, très forte. J'ai vu que présentement, quelque chose qui est en train de se passer aussi, c'est qu'il y avait un ménage dans les limbes qui est en train de se faire. Qu'est-ce que c'est les limbes? Oui. Les limbes, en fait, c'est un plan qui est entre le plan matériel et le plan astral. Donc, le cas classique, c'est quelqu'un qui se suicide, bien, il ne va pas aller normalement en astral, il va aller dans les limbes comme entre deux. Donc, c'est ceux qui ne sont pas prêts à mourir, qui gardent une attache avec le plan matériel. Il y en a qui l'appellent les poltergeists. Donc, ils marchent dans la maison puis ils font craquer les planchers. Donc, toutes ces histoires-là qu'on n'aime pas trop, on va parler d'entités qui sont dans les limbes. Mais ils sont comme pris en deux réalités. Ils sont pris en deux réalités. C'est un monde qui est très difficile, très souffrant, parce que la souffrance pour laquelle ils sont allés dans les limbes est encore là. Donc, si c'est pour une raison de suicide, la souffrance est encore là. Donc, c'est un monde difficile qui est gris. Puis, quand je passais devant le cimetière, bien, j'étais très consciente, je passais devant une tombe d'une personne qui s'était suicidée, puis qui était dans les limbes, justement. Puis, j'ai vu cette personne-là. Puis j'ai vu ce plan-là, puis c'est comme si on essayait de les sortir, puis de dire, mais là, c'est le temps de sortir des limbes, on est en train de faire le ménage. Donc, j'ai dit, ah, mais c'est intéressant. Donc, autant d'un côté, je vois qu'il y a du ménage qui se fait sur le plan surmental, qu'on dit, bon, là, en fait, vers l'astral, vers le surmental, pour dire, on ouvre le chemin, mais aussi dans les limbes. Donc, pour moi, c'est assez significatif de dire, waouh, mais il y a un ménage qui se fait dans les plans invisibles. On est en train de dire, mais là, on commence à bouger les choses, là, OK. on déplace des énergies. Parce que là, présentement, c'est sûr que la crise présente du coronavirus fait brasser beaucoup d'énergie Ouais. sur le plan physique. Le mode de vie d'une bonne partie de l'humanité est perturbé là, sur différents aspects. Est-ce que, en lien avec ça, étant donné qu'on vit pour plusieurs pays un confinement forcé qui dure pendant plusieurs semaines, les gens sont en quarantaine, en isolement, un peu comme des gens qui seraient forcés à faire une retraite spirituelle, comme des Ouais, ermites pour s'intérioriser. c'est bien dit. Est-ce que le contexte présent de confinement obligé amène à quelque part les gens à s'intérioriser puis générer une forme d'initiation forcée parce que c'est imposé à l'ego, le contexte présent, mais de nature collective parce que c'est supporté par les gouvernements. Donc, est-ce qu'on peut dire qu'on assiste présentement à une forme d'initiation collective mondiale forcée par le confinement? C'est bien dit, oui. On pourrait dire ça, on pourrait pas le dire par individu, mais disons collectivement, c'est ce que vivent beaucoup de personnes qui sont confrontées à un confinement forcé, donc à une intériorisation. Ce que je vois beaucoup en parallèle, j'aime beaucoup parler de la fameuse déchirure, parce que chaque être humain qui est sur la Terre est sur la Terre parce qu'il y a eu une souffrance pour qu'il l'amène ici. Là. On ne peut pas parler d'incarnation humaine sans parler de souffrance. Si j'essaie de vous résumer ça de façon très courte, l'énergie du plan supramental, donc qui n'a jamais été diffractée, qu'on pourrait appeler la conscience solaire, conscience qui est pure, lorsqu'elle a créé le plan surmental, on a enlevé de l'énergie, puis on a créé le plan surmental. Donc, on crée toujours un plan en enlevant de l'énergie. Donc, on a enlevé de l'énergie, puis le fait d'enlever de l'énergie au plan supramental, c'est ce que j'appelle dans mon vocabulaire la déchirure. Donc, tout le monde a cette déchirure-là. Nous provenons d'un plan qui est beau, qui est parfait, qu'il y en a qui vont appeler nirvana ou bon, peu importe les termes qu'on veut. Là, là on ne les colore pas. C'est vraiment une réalité. C'est quelque chose qui est magnifique. Là, on ne peut pas se cacher ça. Donc, on passe de ce plan-là extraordinaire, sans mots, là, puis on enlève de l'énergie, puis ça déchire. Donc, c'est la souffrance originelle qui est contenue dans chaque être humain incarné. Donc, on a enlevé de l'énergie, on se retrouve plus avec une sphère lumineuse, solaire, mais on se retrouve avec des esprits féminins, masculins. Donc, on a déchiré le yin du yang, ce qui fait qu'aujourd'hui, on est des êtres humains qui sont de sexe féminin ou masculin, de par ces esprits-là qui sont yin ou yang, parce qu'on a vraiment déchiré le yin-yang, ce qui a créé la polarité. Donc, c'est un des termes qu'on voit souvent aussi dans le domaine de la conscience. Donc, la polarité a commencé à partir de cette déchirure-là du plan surmental, supramental au plan surmental. Donc, cette fameuse déchirure-là est tellement importante parce que c'est de là que partent toutes les souffrances humaines. Puis, pourquoi que je vous amène là, confinement, c'est quoi le rapport? Bien, plus on est amené à s'intérioriser, puis plus l'individu avance en conscience, plus il est confronté à la souffrance de cette déchirure-là. Donc, on pourrait dire que le confinement vient, c'est une sorte de prétexte utilisé par les plans, qu'on parle de l'esprit, peu importe, là. C'est utilisé par les plans pour nous amener dans cette souffrance-là. Tous ceux qui vivent plus de souffrance, puis évidemment, là, c'est individuel, alors je ne peux pas parler pour tout le monde. Il y en a qui peuvent dire, ben non, moi, je suis très bien, je ne vis pas ça. Mais dans de plus en plus de gens, ce qu'on constate, c'est qu'il y a une souffrance, une exaspération, il y a quelque chose qui brasse, puis c'est pour ça qu'on parle beaucoup de santé mentale aussi avec le confinement. Ben oui, parce que les gens vivent l'isolement, puis il y en a qui sont dans la dépression parce qu'ils se réfléchissent tout seuls beaucoup, puis là, ils se font astraliser, puis ils ne savent pas c'est quoi l'astral, fait qu'ils sont chevauchés malgré eux. Oui, donc ça devient difficile. Le problème, c'est pas la dépression, c'est l'astralisation. Donc, ce qu'ils font avec les pensées, puis ce qu'ils font avec l'énergie, parce que tout le monde, un jour, va devoir traverser l'énergie de sa déchirure. Donc, quand on parle de traverser son désert, traverser le chat de l'aiguille, ça veut tout dire la même chose. Donc, il faut traverser cette souffrance-là qu'on a vécue lors de la descente de nos énergies, donc de notre conscience du plan supramental jusqu'au plan de l'ego qui habite un corps matériel. Est-ce qu'on peut parler à ce moment-là de la perte de contact avec les circuits universels? Oui, on peut dire ça. Dire autrement, là. On pourrait le dire parce qu'en fait, il y a eu la déchirure universelle entre le plan supramental, le plan surmental. Ensuite, il y a une autre perte encore entre le plan surmental et le plan astral. Donc, il y en a de l'énergie de perdu. Mais la plus grande déchirure, ce que tout le monde un jour va devoir vivre pour retourner vers une conscience solaire ou supramentale, ça veut dire la même chose, il faut repasser par le chat de l'aiguille. Puis repasser par le chat de l'aiguille, bien, c'est pas évident parce que tout ce qui a été vécu lors de cette première diffraction-là, qu'est-ce qu'on peut vivre, par exemple? Si quelqu'un me dirait, bien, sois concrète, là. Bien, tu peux te sentir rejeté. Parce que, disons, on déchire, il y en a un qui part, il y en a un qui s'est abandonné, il y en a un qui part, bien, là, il se sent coupable. Donc, on réalise que tous les mécanismes psychologiques des égos sur Terre proviennent de cette déchirure-là. Et ensuite, ça s'est fait astraliser, tout ça. Donc, les entités astrales sont venues s'ajouter. Donc, on fait, ouh là là, OK. Donc, il faut être capable de traverser la souffrance, mais sans se faire jouer dans notre tête par des entités surmentales, par des entités astrales. Donc, dit autrement, quelqu'un pourrait vivre une dépression, puis être très conscient, puis la vivre pendant 4 jours, 5 jours, au lieu de la vivre 2 ans, parce qu'il va être capable de la traverser sans se faire jouer dans sa tête, sans se faire dire je suis pas bon, sans se faire dire toutes sortes de choses. Donc, il va être capable de regarder puis dire ouais, OK, le rejet, ça fait partie de ma déchirure. La culpabilité, OK, ça fait Ça partie de ma est en déchirure. mode intégration plutôt que de résistance ou diffraction ou réflexion, là. Donc, c'est une prise de conscience de comment on a été programmé à partir de cette déchirure-là. Donc, c'est intéressant. Tout d'un coup, le regard n'est plus le même. On dit, OK, je suis comme ça aujourd'hui. Ah, j'ai été jaloux toute ma vie parce que telle chose, telle chose. Ah, mais là, je comprends. Puis là, je comprends. Puis là, je comprends. Puis là, je comprends. Puis finalement, ben, on comprend les pensées qui viennent vers nous. Puis on comprend tous les mécanismes psychologiques qu'on a eus depuis le début de notre vie parce qu'on ne savait pas que tout ce qu'on vit de fuite psychologique, c'est parce qu'on ne pouvait pas supporter notre lumière qui précède cette déchirure-là. Mais. Exactement. Mais si on nous ramène au coronavirus et à la crise, puis la situation de confinement, qu'il y a sans doute plusieurs L'intériorisation. personnes qui nous écoutent qui vivent ça, c'est de voir que ces gens-là n'ont pas l'instruction de tout ce que tu nous mentionnes. Ils n'ont pas d'instruction supramentale. La seule instruction que les gouvernements donnent, c'est lavez-vous fréquemment les mains, tenez-vous à 2 mètres des autres, puis des mesures qui s'adressent au corps physique, mais au niveau psychique, puis occulte, il n'y a rien qui est amené comme information publiquement. Donc, comment ces gens qui n'ont pas cette information-là peuvent composer avec l'événement sans sombrer dans la dépression, l'anxiété, les crises d'angoisse, etc.? Mais ce n'est pas l'ego qui décide s'il est en dépression ou pas, première chose. Ce n'est pas OK. l'ego qui décide s'il est en anxiété ou en attaque de panique, ce n'est pas lui qui décide. Un être conscient peut vivre tout ça sans problème. Pourquoi? Parce qu'il vit sans diffracter ses énergies. C'est-à-dire, il traverse l'événement, il utilise l'événement de la dépression, de l'anxiété, de peu importe quoi, là. Il utilise l'événement en sa faveur. Alors, il va dire, OK, je traverse mon désert aujourd'hui, puis tout le temps que ça prendra. Donc, traverser son désert, c'est d'être capable de prendre ce qui vient, puis de dire, bon, ben, OK, il faut que je le vive. Si j'ai envie de pleurer, je vais pleurer. Si j'ai envie, s'il y a une colère qui descend, mais je vais la renvoyer vers mon esprit ou vers des entités, ou peu importe vers ce que vous voulez, mais envoyez ça par en haut. Vers celui qui vous cause une tension, mais sur les plans invisibles et non pas vers des personnes. Donc, c'est dire, bon, ben, c'est sûr que quelqu'un qui n'est pas au courant de ça, qui n'a pas l'instruction, ben, il va être pris avec ce qu'il a offert dans la structure de société actuelle. Donc, on va parler de psychologue, donc il va avoir besoin d'être écouté, il va avoir besoin de parler. Dans Oui. parlant, ben, il va prendre conscience de lui. Puis un jour, il va recevoir une instruction. Tout le monde, un jour, va être instruit, mais chacun dans son temps, puis pas nécessairement dans ce vie-ci. Non, ça, je le comprends très bien, mais ce que je veux dire, c'est que par rapport à la crise, les ressources qu'offre la société, c'est très limité. C'est sûr qu'au niveau psychologique, ben ça peut être une ligne de téléphonique pour prévenir le suicide que les gens peuvent appeler s'ils vivent du désespoir, mais il y aura pas de mesures sociales pour, par exemple, nous dévoiler le culte de l'événement, puis nous expliquer les enjeux énergétiques, puis la déchirure, comme tu le mentionnes. Mais c'est pour ça que tout le monde cherche des coupables, hein? Ben, c'est Ils ça, sont vu qu'ils n'ont pas pires que la sortie l'information, puis d'énergie, là. sont. Ouais, c'est ça. Tu sais, les gens, comme ils sont ignorants, ben, ils vont chercher souvent des coupables ou une explication. T'sais, ils sont pas nécessairement d'ailleurs satisfaits des explications que les gouvernements donnent. Il y a beaucoup de gens Ah qui oui, c'est contestent, sûr. là, que ce soit sur Facebook ou YouTube, beaucoup de vidéos pour remettre en question des décisions gouvernementales. Donc, les gens sont. Ce que je sens, c'est que les gens sont en démarche de recherche, puis de. Il y a beaucoup d'air qui est brassé, ouais. Plus il y a de désespoir, la beauté, c'est que plus il y a de recherche. Les gens veulent savoir. Donc, les gens, soit qui vont, en fonction de leur conscience, aller dans différentes recherches. Donc, il y en a qui veulent savoir. Ils vont aller dans la théorie du complot, il y en a qui veulent savoir, qui vont aller dans toutes sortes de directions, mais ceux qui sont prêts, leur esprit va les amener vers des informations qui vont leur permettre de prendre conscience d'eux-mêmes, Donc, de traverser leur désert, comme on parlait dans l'intériorisation, puis d'accueillir ce qui est là, puis d'arrêter de réfléchir psychologiquement. Mais j'ai une dépression, je suis pas bon. Là, déjà, on serait dans un exemple d'astralité. Je suis en dépression, je suis pas bon. Ben ça, allez donc toutes vous faire foutre. Je suis en train de traverser ma déchirure, puis venez pas dénigrer ou essayer de me voler ma conscience parce que je suis en train de vivre ma déchirure. Ce serait ça la réponse d'un être conscient. Oui, ça serait de faire respecter sa psyché. Dire, mais si j'ai envie de pleurer, puis que je ressens le rejet, si ça, mais je prends conscience de ma déchirure, donc allez tout foutre le camp, là. Venez pas interférer dans ce que je suis en train de vivre dans ma propre intégration. Oui, ça, c'est un autre élément que tu fais allusion souvent, c'est-à-dire la possibilité de se donner le droit de vivre ses émotions. Ben oui. Parce que. Sinon, on serait des. Ça ferait dur, hein? C'est ça, parce que d'un côté, dans le supramental, il peut y avoir des gens qui vont dire il n'y a pas d'émotion là-dedans. Le mental est froid, il est Ouais. neutre, il n'y a pas Ben ça, de. c'est la science de l'esprit. Tu OK. sais? C'est juste l'esprit. L'esprit, parce que c'est réel, puis ça a déjà été dit. L'esprit, c'est froid, c'est objectif, tata, tata. OK, on l'a compris, mais on n'a pas juste un esprit, on a l'esprit universel qui, lui, est chaud. Ce serait bien dommage de dire hey, j'ai deux robinets chez moi, là, puis quand je prends ma douche, je suis toujours froid. Je veux du chaud, OK, puis je veux mais du c'est parce froid. que certains vont dire que le volet qui est chaud de la conscience, c'est le plan astral. Ben oui, c'est sûr qu'ils vont dire ça. Puis c'est correct qu'ils le disent pour un temps, jusqu'à temps qu'ils réalisent qu'ils ont un esprit universel. Donc, chaque chose a son temps. C'est comme dire chaque être humain ou beaucoup d'êtres humains vont passer par une phase de spiritualité qui est parfaite. Moi aussi, je l'ai vécu. J'ai passé 4-5 ans dans la spiritualité, donc je sais ce que c'est. Puis j'ai tout rejeté par la suite, les anges, les archanges. J'ai tout rejeté. Bébé, puis l'eau du bain, là, allez-y. Puis un jour, ben, je suis rentrée justement dans la création de mon double. J'ai commencé à comprendre comment fonctionnait ma pensée. Puis ensuite, ben, j'ai intégré le principe de l'amour. Puis là, je me suis mordu les doigts. Puis j'ai dit, oh là là, j'ai dit là, j'ai dit tout ce que j'ai rejeté, ben, il va falloir que j'aille en rechercher sans la coloration. Alors, c'est dit, j'ai réalisé, c'est pas la forme le problème, c'est le rapport de l'ego avec la forme. Puis ça, c'est important. Donc, c'est dire, bon, ben, on a dit, bon, ben, les anges, c'est pas bon, les guides, c'est pas bon. Alors, ça, c'est ce qu'on entend dans le milieu supramental, qui est purement intelligent, esprit froid. Puis après ça, un jour, j'ai réalisé, ben, un ange, c'est un esprit. Un guide, au fond, qu'est-ce que c'est en bon français, là, disons, je vous le dis, froid, froid technique, là. Un ange, c'est un esprit. Ben, c'est l'esprit d'un être, souvent, qui est décédé. Bon, ou qui a jamais été incarné. Mais ce n'est pas un esprit universel, donc il n'y a pas la science infuse, donc on ne peut pas le croire. Donc finalement, on pourrait dire va te faire foutre. Donc de dire, mais moi je ne peux pas croire les esprits, c'est très parfait. Donc on ne peut pas croire les esprits comme on ne peut pas croire toutes les formes astrales qui prennent la forme des esprits. On ne peut pas plus les croire. Parce que l'astral, ce qui est intéressant, c'est une copie du réel. Mais sur un plan inférieur de conscience, puis finalement, c'est pour ça que les égos se font avoir. Ils vont dans ce monde-là, puis ils pensent qu'ils retournent à la source, parce que c'est une copie, mais une pâle copie. Pourquoi une pâle copie? Parce qu'il n'y a pas l'intelligence de l'esprit dans ce plan-là, puis parce qu'il n'y a pas l'amour de l'esprit universel. Donc, c'est encore un plan qui fait partie de la diffraction de la nature Ouais, ben humaine, de la certains appellent polarité. la fausse matrice qui se Ouais. superpose à la matrice primordiale, là. Donc, on peut utiliser le terme matrice qui fonctionne aussi. Mais pourquoi cette matrice-là? Mais parce qu'on n'est pas capable de supporter notre propre lumière. Donc, moi, matrice, pour moi, si on utilise le mot matrice de manière péjorative, mais déjà, on démontre qu'on ne comprend pas le réel. Parce que si on n'avait pas ce plan-là astral, disons que demain matin, on enlève le plan astral, on enlève le plan surmental, ben nos systèmes nerveux sautent, comme je disais tantôt. On ne peut pas supporter notre propre lumière. Donc, ce sont des C'est plans de nécessaire conscience de ce que tu nous dis, de qu'on ce a que je comprends besoin. là. C'est Pardon? nécessaire Ah, ben oui, que. sinon, c'est à chaque être humain, à chaque ego, de colmater ses failles pour dire, ben, j'ai plus besoin de ce plan-là pour venir supporter mes failles. Donc, j'ai plus besoin d'entité en astral pour venir me violer dans mon mental. J'ai plus besoin d'entité surmentale ou extraterrestre pour venir colmater mes failles parce que ma conscience est complète. Donc, c'est vraiment à l'ego de faire son travail, puis d'arrêter de dire, ben, méchant ci, méchant ça, puis occupe-toi de tes Ben, propres c'est failles. justement, si on nous ramène au coronavirus, est-ce que le coronavirus et la crise qui entoure ça est nécessaire pour l'évolution des êtres humains sur Terre? Je suis obligée de dire oui, sinon ça ne serait pas arrivé. Parce que peu importe qu'on dise ça vient d'un virus, de ci, de ça, c'est toujours approuvé par l'esprit de chacun qui en fait l'expérience, par l'esprit universel. Tout ce qui nous arrive est approuvé par notre propre esprit, là. Sinon, ce serait un non-sens, là. Chaque personne, chaque esprit approuve l'expérience de Mais son il y a des propre gens qui ego. vont t'objecter en disant ça se peut pas, là. Il y a des femmes qui se font violer, il y a eu les camps de Ouais. concentration nazis qui ont amené des souffrances abominables, la torture au Moyen Âge. Comment qu'un esprit d'amour, si on prend l'esprit universel qui est censé d'être d'amour, puisse autoriser de telles abominations? Pour intégrer notre déchirure. Donc, d'une vie à l'autre, comme je pourrais dire, dans ma vie, dans une autre vie, j'aurais pu être juive, j'aurais pu être persécutée, mise dans une chambre à gaz, j'ai pu être brûlée comme sorcière, j'ai pu être noyée. Donc, on pourrait dire, mais c'est abominable. Donc, je suis morte, je suis revenue. Puis, un jour, il faut dire, mais il faut arrêter ce cycle-là de mourir et revenir. Donc, comment est-ce qu'on fait ça? Bien, on intègre les souffrances une fois pour toutes. Puis on dit, bon, OK, je vais la traverser, la déchirure de la souffrance. Donc, c'est pour ça, de plus en plus, qu'on voit sur la Terre des gens qui ont des souffrances abominables puis qui vivent rien. Mais c'est pas des blagues, tu sais. Plus on avance, plus on se rend compte que l'être en conscience va dire, ben moi, je suis en dépression totale, mais là, on voit la maman ou les amis, mais qu'est-ce qui s'est arrivé? Il a dû arriver quelque chose? Non, il n'est rien arrivé. Donc, c'est comme dire, les personnes ont de moins en moins besoin du support de l'événement pour intégrer leur déchirure. Puis ça, c'est bon signe. De dire, bon, ben OK, j'ai pas besoin d'être menotté, mis en prison pour vivre telle souffrance, ou j'ai pas besoin d'être tué ou OK, d'être autrement de dit, ils vivre sont telle, telle plus chose. intériorisés. Ouais, parce que là, on commence tranquillement, ceux qui sont prêts à le vivre, de le vivre intérieurement, sans avoir le support de l'événement, puis se traiter de fou. Parce qu'il y en a beaucoup qui disent, ben, il y a un petit événement de rien, puis je réagis 15 fois trop fort, 1000 fois trop fort, je dois être fou. Ben non, ça, c'est la réflexion. Donc là, c'est là que les gens se font jouer avec des réflexions comme ça, C'est parce qu'ils ne parce savent pas ce qui se passe. C'est ça, ils n'ont pas eu nécessairement l'instruction au Ouais, préalable ils avant de n'ont pas venir. l'information, ils n'ont pas le C'est contact avec ça, l'esprit. exactement. Fait que c'est ça la problématique. Puis Ouais. aussi, ben, si la personne se compare aux autres, ben, elle ne respecte pas nécessairement son individualité parce que à ce moment-là, elle se soumet à des normes sociales, tu sais. Ouais. Mais, Donc, oui. l'intériorisation, elle est fun, tu sais, dans le sens que la personne, elle peut dire, bon, ben, OK, là, ça allait bien le confinement, mais là, ça commence à moins aller, je me sens comme si. Donc, de prendre conscience puis accepter de le vivre sans avoir à blâmer le confinement. C'est fort quand même, là, ça va jusque-là. On ne blâme pas le confinement. Notre esprit était d'accord avec le confinement. Donc, on dit, OK, c'est ça que ça veut dire. Utiliser l'événement pour grandir en conscience. OK, mon esprit il est d'accord avec tout ce qui m'arrive. Donc, il me doit des réponses. Donc, pourquoi est-ce que je me sens déprimée? Bien, t'intègres ta déchirure. Donc, intègre. Prends le temps de la vivre. T'as le temps, là, t'es pas au travail. Donc, c'est comme ça que ça parle un esprit. Tu sais, quand Exact. on dit l'esprit, c'est froid, c'est tac, tac, tac, tac, tac. Quand on demande des réponses à notre esprit, qui, plus on intègre l'énergie de l'esprit, on prend souvent le nom de double pour différencier, parce que tout le monde a un esprit, mais ce n'est pas tout le monde qui a un double. Quand on le dit comme ça, c'est de dire, quand quelqu'un a un double, c'est qu'il a intégré l'énergie de l'esprit. Donc, il y a l'ego, a le corps subtil pour supporter l'énergie de l'esprit en lui. Donc, quand on a ce corps-là, mais c'est qu'on l'énergie de l'esprit est fluide en nous, donc on contient l'énergie de l'esprit en nous, ça devient un. Même si on est sur deux plans de conscience, ça marche de manière totalement fluide et intégrée. Oui, mais c'est sûr que ça, c'est un élément important, la capacité de contenance, surtout pendant la période présente de pandémie où des gens vont perdre leur travail, ensuite ils vont se Ouais. ramasser avec leur conjoint, confinés chez eux, puis finalement, vu qu'ils sont souvent ensemble, puis ils se connaissent plus ou moins, ils sont pas à l'aise à vivre 24 heures sur 24 ensemble, puis ça va créer des tensions, voire des ruptures amoureuses, la violence conjugale, des problèmes avec les enfants. Il y a plusieurs conséquences, problèmes Ouais. financiers aussi. Les gens sont plus capables de payer leur hypothèque Ouais. parce qu'il y a C'est moins de rentrées concret, d'argent. hein? Fait que toutes ces contraintes-là, ça demande une grande capacité d'absorption puis de contenance de l'ego, là. Parce ouais. Moi, j'ai l'impression... Contenance, je pense qu'il faut le définir, oui, parce que c'est vas-y. pas contenir, garder en dedans. Parce que c'est un mot qui peut porter à Oui, tu confusion. fais bien de préciser. Contenance, c'est contenir l'énergie de l'esprit. Donc, si je suis capable de contenir l'énergie de l'esprit, c'est-à-dire que l'énergie de l'esprit revient en moi, je suis capable de le contenir, puis je lui retourne. Donc, c'est juste définir ce mot-là parce que ça peut porter à confusion. Oui, parce qu'il ne faut pas que ça soit assimilé à du refoulement Non, par rapport exact. à l'événement. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y en a. C'est ça, moi, comme toi, je joue au Québec. On est privilégié parce qu'on sait que demain matin, on ne mourra pas de faim. Mais tu sais, je pense à d'autres personnes qui vivent la crise du coronavirus, que ce soit en Afrique, entre autres, ou des endroits que c'est plus pauvre, ils ont moins accès à des ressources alimentaires ou autres. D'ailleurs, je lisais un article aujourd'hui que l'ONU parlait de possibilité qu'il y ait plusieurs centaines de millions de personnes qui aient des problèmes à avoir accès à l'alimentation à cause de la crise du coronavirus comme corollaire, alors qu'il y a à peu près 200 000 morts au moment où on se parle, là, environ. Fait que les conséquences corollaires au coronavirus vont peut-être être pires que d'attraper cette grippe-là, qui est un peu plus forte qu'une grippe saisonnière traditionnelle, de ce que je perçois, là. Fait que, en lien avec ça, d'être capable de faire face à ça, je pense qu'il y a des gens qui vont développer des forces qu'ils ignoraient, ou il va y avoir quelque chose qui va se passer, là, au sein de beaucoup de personnes, là. Oui, parce qu'on peut dire c'est concret, manquer de nourriture, manquer d'argent, des troubles financiers, peut pas payer son loyer, menacé d'être mis dehors. Il y a plein, plein, plein de choses qui vont créer énormément de tensions. Puis ces tensions-là doivent devenir un vecteur pour envoyer la colère vers l'invisible. Puis sachez que ça va avoir ses effets. Puis c'est quoi l'effet ultime? Bien, vous assurez l'immortalité de votre conscience. Parce que c'est bien beau de dire, ouais, mais ça ne me nourrit pas demain matin, mais qu'est-ce que ça donne de dire, bon, ben on diffracte, on blâme tout le monde, puis vous allez mourir de toute façon de quelque chose et mourir en astral, puis revenir, puis mourir, puis revenir, puis mourir, puis revenir. Donc, ceux qui disent, ben oui, moi, j'en ai vraiment assez de ce cycle-là de réincarnation, je le sens dans moi, j'en peux plus, je veux pas revenir être un petit bébé, puis recommencer à apprendre une langue, puis aller à l'école, mais non, et jamais de la vie. Puis ceux qui ressentent ça intérieurement, c'est que vos corps sont prêts à évoluer davantage. C'est de dire, bon, mais ben, le corps astral est bien développé, le corps mental inférieur est bien développé, mais ben, là, vous êtes prêt à développer votre corps mental supérieur, donc le surmental, pour aller chercher votre immortalité de conscience. Donc, ceux qui ressentent ce besoin-là criant ou cette réalité-là, dire, ben moi, non, je ne peux plus me réincarner, ça n'a pas de sens. Mais vous savez que vous êtes prêt à créer votre corps surmental, donc le double. Donc, c'est dire, bon, ben, l'emphase dans la vie, donc l'axe de vie va changer. Puis l'axe de vie, c'est dire, j'ai une tension, j'arrive pas à payer mon loyer. Oui, comme je disais tantôt, on prend les mesures pratico-pratiques. Est-ce que je peux me réinventer dans la matière? Est-ce que je peux faire autre chose? Oui, non, mais ben, en fonction de la réponse, on fait ce qu'on peut. C'est toujours ça, on fait toujours ce qu'on peut. Puis le reste, mais si les tensions perdurent, on l'envoie à l'esprit. Donc, c'est vraiment important de dire, il faut faire ce qu'on peut, on se réinvente. Donc, quelqu'un qui dit, ben moi, par exemple, je vends du vin dans les restaurants sont fermés. Bon, je me réinvente. Ah, mais je pourrais vendre aux particuliers pour éviter d'aller faire la file. Parce que, bon, au Québec, ils ont décidé de garder les magasins d'alcool ouverts comme besoin essentiel. Ça, c'est quand même rigolo. Mais ça peut Donc, maintenir la paix sociale, hein? Tu sais, les gens qui ont acheté le vin ou la marijuana, au lieu que ces gens-là fassent des émeutes dans les rues, ben, ou du crime, ben, c'est peut-être mieux de les garder sous anesthésie de la drogue ou de l'alcool, là, tu sais, dans une certaine mesure, là. Ben, je comprends aussi. Donc, dans l'exemple que je dis, mais la personne qui vendait au restaurant peut dire, ah, mais je pourrais vendre aux particuliers, puis en plus, je vais faire la livraison, puis on garde la distanciation Distanciation sociale. sociale. Ta, ta, ta, ta, ta. Donc, est-ce qu'on peut se réinventer? Comme au Québec, beaucoup de couturières ont dit, bon, mais on va faire des masques. On va faire les genres de jaquettes d'hôpital. Donc, réinventez-vous en tant que possible. S'il y en a qui disent, ben moi, vraiment, c'est impossible, ben là, ce qui reste, bon, ben envoyez ça à votre esprit. Dites, ben là, il faut que ça change, changez un paramètre. Le lendemain, rien changé, continuez à dire à votre esprit, c'est assez, c'est assez, c'est assez. La Exact. seule nuance que j'aime apporter Oui. face à cette colère-là, c'est de dire, ben, soyez pas en colère 24 heures sur 24. Pourquoi? Parce qu'un jour, l'ego doit s'approprier de la colère d'esprit, puis c'est lui qui tourne le robinet. Parce qu'être en colère 24 heures sur 24, avec l'esprit, qu'est-ce qui arrive? On a un corps physique, hein? Vous allez avoir peut-être des petits troubles circulatoires, inflammatoires, cardiaques. On ne peut pas oublier cette partie-là parce on a juste parlé de conscience depuis le début, mais il y a un corps. Donc, dire, OK, faut intégrer l'esprit tellement que l'ego dit, moi, je suis pas en colère plus que 15 minutes par jour parce que j'ai un corps à préserver. Ben oui, il faut Donc, ça respecter fait partie le corps de physique. l'intelligence de l'esprit qui est intégrée dans l'ego. Ça en fait partie. Exact, parce que sans ça va amener une usure prématurée du corps Ouais. physique qui est exposé à trop de colère puis développer de l'arythmie ou des problèmes cardiaques, là, ouais. Donc, l'important, c'est ce que je dis souvent, c'est l'intensité de l'intention. Donc, la colère peut être faite en silence. Puis, vous avez zéro énergie, vous êtes à l'hôpital, vous êtes vidé, brûlé. Ça m'est déjà arrivé, des moments comme ça, qu'on ne peut même pas être en colère parce que le peu de colère que vous allez mettre, c'est comme si vous mouriez là, physiquement, vous êtes au bout du bout. Donc, c'est dire, ouais, je vous vois. Je ne peux même pas être en colère après vous, bande de sales, mais je vous vois. T'sais. De dire, c'est ce contact-là qu'il faut garder avec les plants. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis un jour, ils vont vous redonner la santé si c'est ce qu'il y a à se faire pour que vous puissiez revenir dans votre colère, mais toujours en contrôlant votre propre robinet. Exactement. Tantôt, il y a quelques instants, tu parlais de réinvention. Puis on observe, à cause de la crise du coronavirus, que des gens sur le plan professionnel sont amenés à faire beaucoup du télétravail. Puis j'ai l'impression que c'est en train d'amener cette crise-là à un développement rapide des nouvelles technologies, vidéoconférences, intelligence artificielle et autres. Est-ce que la crise présente pourrait favoriser l'introduction de Big Brother davantage dans nos vies? C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de technologies, je pense notamment à la Chine, où avec des capteurs biométriques, on peut, avec des caméras, faire de la reconnaissance faciale, regarder la température corporelle aussi à distance. Et dans le fond, qu'il y ait des plus grands contrôles des citoyens, entre autres, avec des nouvelles technologies. En fait, on n'est pas protégé du tout de ça, hein? Puis on pourrait parler du 5G, puis on pourrait parler de beaucoup, beaucoup de choses. Parce qu'évidemment, plus les gens utilisent les services Internet, donc les technologies, les ondes, bien évidemment, c'est certain que les ondes, ce n'est pas en synchronisme parfait, disons, avec les ondes naturelles du corps. On pourrait le dire comme ça Exact. favorise pas la santé. Par contre, ce qu'on peut dire, non, ça favorise pas la santé, mais on est pris dans une société qui se développe dans ce sens-là. Alors oui, ça se peut qu'un jour les gens se fassent pucer à la naissance. Oui, ça se peut que justement tout le biométrique, bla bla bla bla bla. Mais ultimement, quelqu'un en développement de conscience, son identité n'est pas liée à la société. Son identité, c'est sa conscience qui, elle, est intouchable. Alors, c'est de dire, allez vous faire foutre à me surveiller, allez vous faire foutre. J'en ai rien à foutre. Si vous avez du temps à perdre avec ça, moi, je crée mon double. Mais en même Donc, temps, si ça rend le corps malade puis ça perturbe son champ électromagnétique. on fait ce qu'on peut. OK. Parce que c'est toujours ça, on fait ce qu'on peut. Par exemple, au Québec, on a eu ce qu'on appelle les compteurs intelligents. En France, on a appelé ça des Linky. Peu importe le nom qu'on donne, moi, je me suis fait installer ça chez moi. Je suis tombée malade instantanément. Dès qu'ils ont installé, pendant 2, 3 mois, je pouvais plus me supporter. Je l'ai fait changer parce qu'au Québec, c'est permis. Donc, de OK. mettre un compteur non intelligent. Donc, on fait la demande et on peut être bien. Toutefois, je suis pas à l'abri de toutes les antennes parce que tout le monde qui achète des téléphones cellulaires, ben qu'est-ce qui arrive? Ben ça prend des antennes. Les gens veulent pas les antennes, mais ils veulent les téléphones. Donc il y a un problème, il y a un choix à faire. C'est ça, il y a les avantages sans les Ben, inconvénients. voilà. Donc c'est vraiment à chaque individu. Moi, je suis une des rares, j'ai pas de téléphone cellulaire. En fait, j'en ai un qui marche par Wi-Fi, puis seulement quand je voyage. Donc ça a été mon choix de dire, je rentre pas là-dedans parce que je suis pas intéressée à avoir besoin de plus d'antennes parce que je sais que je suis à Plus j'ai de téléphone, ben plus ils ont besoin d'antennes. Donc, ça a été un choix personnel. Il y en a d'autres qui peuvent dire, ben moi, j'ai pas le choix d'en avoir pour le travail, puis leur choix personnel peut être parfait aussi. Donc, on n'est pas en train de diaboliser ceux qui en ont, ceux qui en ont pas. Faut pas aller là du tout. C'est vraiment un choix individuel. Moi, je suis sensible aux ondes, mais je peux dire que les corps doivent s'adapter. Donc, mon corps, puis je dis à mon esprit, ben, bande de salle en haut, organisez-vous que, ta, ta, ta. S'ils mettent une antenne juste à côté de ma maison, c'est garanti que je déménage. Je vais me mettre le plus loin possible, mais tout est en fonction du possible. C'est Parce que ça, mais maintenant, on peut dire au Québec, il n'y a pas d'endroits qui sont exempts d'antennes, sauf si on va dans le Grand Nord à moins 50, 12 mois par année. Donc, il y a des choix qu'on fait. Il y a des antennes partout Quoique, il y et a une pour personne que avoir je du connais qui 5G m'avait partout. parlé que dans le secteur des Laurentides, il y avait des ondes blanches, des Oh, il n'y en endroits où a ce qu'il y avait plus. pas dans, mais il n'y aurait pas grand-chose, là, mais en tout Non, il y cas. en avait, mais il n'y en a plus. L'information est toute disponible sur Internet, où sont les antennes, puis il y en a plus de zone blanche, là. Mais c'est sûr que l'un des enjeux qui se pose, puis sur Internet, beaucoup d'informations ont été véhiculées à l'effet qu'il pourrait être possible que par rapport à la 5G là, qui est présente en Chine, entre autres à Wuhan, qui est une ville expérimentale qui expérimente l'exposition à 5G, là, mais il y en a d'autres aussi en Chine, c'est pas juste là, puis en Corée du Sud, que il y en a qui vont dire que ça aurait eu un certain impact dans le sens de faire diminuer la force du système immunitaire à faire face à un virus. Bien, c'est certain que des ondes sur un corps physique, ça a un impact. Donc oui, moi, je n'irais pas contre ça, là, dire que oui, ça affaiblit le corps. Moi, j'en ai fait l'expérience avec mon compteur intelligent. Mais c'est aussi à dire, bon, bien, OK, il faut que le véhicule s'adapte. Donc, il faut avoir assez de colère à notre esprit de dire, OK, tu acceptes que je sois entouré de 5G, parce qu'il ne faut pas oublier que l'esprit derrière, là, à chaque fois. Tu acceptes que je sois entouré de 5G. Donc oui, moi, je vais poser action, je vais déménager, ou bien, s'il y a une impossibilité pour toutes sortes de bonnes raisons, dire, bon, ben OK, mon corps, faut qu'il s'adapte, puis organisez-vous. Donc, je ne vais jamais sortir de ma conscience, ce qui fait que peu importe que je meure parce que le 5G m'a atteint, que j'ai eu des vaccins, des virus, peu importe quoi, là, pro-vaccin, contre-vaccin, on s'en fout. Peu importe de quoi je décéderai. Ben, je sais que je m'en vais dans le plan surmental, puis de toute façon, mon esprit va décider quand est-ce que je m'en vais. C'est lui qui décide. Mais en même temps, si tu Si je fais. fusionne avec mon esprit, c'est moi, donc c'est moi qui décide. Ben, c'est là que j'allais en venir, parce que éventuellement, si l'ego égalise sa relation avec l'esprit, à ce moment-là, il devrait vivre en son temps. C'est-à-dire qu'il devrait pouvoir vivre sur Terre le temps ce qu'il a accompli, ce qu'il doit, puis en même temps, en tant qu'ego, ça peut être agréable aussi d'avoir la possibilité de jouir de la vie, jouir d'un environnement sain, jouir de belles Oui. nourritures, de belles musiques. Quelqu'un qui n'en jouit pas, rapport de force. Son esprit a décidé que ça serait ça pour qu'il crée son double, pour qu'il devienne immortel, parce que son esprit commence à en avoir assez du aller-retour en astral, là. Donc, Exactement. c'est Mais si pour on ça parle les d'im... oppositions. C'est ça. Mais si on parle d'immortalité, ça serait intéressant que ça soit agréable de vivre cette immortalité-là. Totalement. Puis Ben ça oui. fait partie du rapport de force. Tu me dois une vie agréable. Ben oui. Faut dire à notre esprit, là, il n'y a personne qui veut vivre une vie désagréable, là. Donc, Ouais. c'est comme dire, bon, ben, notre rapport de force avec l'esprit vient de ce constat-là, de dire qu'on a droit à une vie agréable, puis tout le monde a droit à une vie agréable, puis tout le monde a le droit de savoir, puis tout le monde a le droit d'être en santé, puis on peut aller loin, là. Puis que la souffrance, c'est pas acceptable. C'est tous des discours qui sont parfaits pour générer le rapport de force, puis dire, hey, en haut, bougez-vous, là. Puis plus on fait ça, mais plus on devient immortel en conscience, puis qu'on va atteindre cet état-là de perfection auquel on aspire. Parce que plus on avance sur les plans, mais plus le plan, il est parfait. Dans le sens, sur le plan surmental, bien, on a l'intelligence qui est totalement intégrée, l'intelligence de l'esprit. Puis après ça, sur le plan supramental, ben on a l'amour en plus, le principe de l'amour, puis ensuite les autres élèves. Donc, je veux dire, plus on avance en conscience, plus on se rapproche de cette perfection-là à laquelle on aspire, qui est la raison pour laquelle on fait des rapports de force. Oui, Donc, exactement. on peut être sûr qu'on va arriver à bon port. Ouais, ben tu nous ramènes au principe que tout sert. Ouais, tout sert. Ah, ça, c'est important, c'est bon que tu le dises. Tout sert. Il faut s'en servir, servez-vous-en des événements. Puis ça, c'est le gros problème. On ne se sert pas du COVID, on perd nos énergies avec le COVID. Donc, je parle en termes de société, là. Oui, mais le coronavirus, c'est ça. Il y a beaucoup de gens qui plafonnent dans la réflexion, puis la peur, puis l'angoisse, puis. Mais il y a des gens qui cherchent, hein? Il y a des gens qui cherchent. Puis il y a des gens qui trouvent. Puis Exactement, il y a mais tu sais, beaucoup bon. de gens qui trouvent grâce à des gens comme toi qui parlent, puis il y en a de plus en plus qui parlent. Puis, tu sais, que la parole soit ajustée ou pas, plus il y a de gens qui parlent, mais plus il y a une information qui va être véhiculée, puis Puis plus les gens, bien, vont travailler le discernement de leur esprit, à savoir si l'information vibre bien en eux ou pas, puis ça va faire en sorte que chacun va rentrer dans une grande définition de conscience. C'est vers là qu'on veut s'en aller. Donc oui aux gens qui parlent. Exactement. Ben moi aussi, c'est sûr que ça me fait plaisir de parler avec toi là, pour faire cet entretien. Et c'est sûr que, bon, comme le temps file, j'aimerais conclure avec toi Oui. pour en finir la discussion sur le thème de notre entretien d'aujourd'hui, là, donc la crise du coronavirus. Est-ce que tu avais d'autres choses à rajouter à ce sujet? Eh là là, eh, la grosse question, j'avais d'autres. Ben, je pense qu'on a quand même bien couvert parce Oui. que moi, je m'y attendais qu'on sorte un peu du sujet parce qu'on ne peut pas parler juste du coronavirus quand on parle de conscience. Parce qu'il faut, si on parle de conscience, ben, il faut toujours parler de l'être humain, donc de l'individu par rapport à un événement. Exact. Donc, l'événement peut être n'importe quoi, puis on peut en donner plein des exemples. Ça peut être le couple, le travail, la famille, l'argent. Donc, c'est vraiment ça qui intéresse les gens comme moi, comme toi qui travaille dans conscience. C'est vraiment l'être humain par rapport à un événement. Donc, comment faire une gestion parfaite pour en tirer un avantage, donc pour que l'expérience serve. Donc, c'est sûr que c'est normal qu'on finisse par parler des plans, des entités, qu'on se promène dans toutes sortes de C'est sujets. parfait. Puis je t'ai vu nous ramener souvent sur Oui. notre ligne directrice, puis c'est parfait, je te vois aller. Bon, C'est excellent. impeccable pour que les gens sentent qu'on garde le sujet. Mais ultimement, peu importe le sujet, c'est dire ben, qu'on parle de coronavirus, qu'on parle de quoi que ce soit d'autre, ben, on pourrait dire la même chose. Quelque chose vous crée une tension, mais ben, c'est le même mécanisme qui se passe. Donc, vous pouvez faire du copier-coller avec tout ce qu'on a dit aujourd'hui sur d'autres choses dans votre vie. Tout ce qui vous crée des tensions, vous pouvez aller vers le rapport de force. On n'est pas juste dans le coronavirus. Non, Faut non, c'est ça, l'appeler. c'est un prétexte pour Ouais. parler du C'est un rapport prétexte de bien fait. force, mais c'est un prétexte qui rejoint les gens présentement parce Ben que oui, c'est c'est d'actualité. ça, c'est le sujet de l'heure mondiale, là, c'est pas juste au Québec, à différence de d'autres sujets comme les matchs de hockey, Oui, mais là, totalement. c'est vraiment international que tout le monde, ben pas tout le monde, façon de parler, là, mais beaucoup de personnes sont vraiment interpellées là, par ce sujet-là en particulier. À différence de d'autres, d'où pourquoi que je t'ai pas posé cette entrevue aujourd'hui. Et sinon, pour compléter, ben, on peut rappeler aux gens que tu es auteur d'un livre. D'ailleurs, tu as encore à portée de main? J'ai-tu le droit de le mettre à Ben, si tu le fais d'une manière assez adroite. Donc, comme vous pouvez voir à l'écran, le titre, c'est Entrer dans le réel, qu'elle a écrit. suis pas trop marketing, hein, ça paraît. Oui, ben c'est ça. C'est que dans le fond, je rappelle aux gens qui ont apprécié l'entretien d'aujourd'hui, c'est que si vous voulez en savoir plus par rapport à Sandra, vous pouvez dès maintenant vous procurer son livre qu'elle tient à la main avec son visage expressif. Donc, c'est une Ils sont façon plus aussi de. âgés dans ça. Je dois être à 400 quelques pages. Hein? C'est Ah un oui, gros c'est un livre gros quand même. livre, exactement. Avec plein de beaux schémas. Plein de. Je ne sais pas si ça se voit Oui, bien, oui, là, de oui. plein de beaux schémas à la fin, d'explications. Plein de belles, belles choses. Alors, il y a un aspect visuel pour ceux qui. Moi, je suis très visuelle. Hein? Pour moi, c'est important. Puis justement, le glossaire, puis. Environ, okay, il doit y avoir environ 400 pages dans tout ça. Donc, il y en a pour plusieurs heures de lecture. Et Oh vous pouvez donc l'acheter à partir de son site web étant supramental.biz, où vous pouvez retrouver également des articles, dont plusieurs, où tu vas répondre à des questions du public. Donc, ça peut être intéressant pour les gens qui auront encore des questions après l'écoute de l'enregistrement à te poser, de le faire en écrivant sur ton site Internet, là, où, donc, je pense que tu as quand même, au fil du temps, répondu à plein de monde, là, depuis Ouais, je peux plusieurs pas années. répondre à tout le monde parce que par période, là, j'en reçois des dizaines et des dizaines. Donc, évidemment, je peux pas nécessairement répondre à tout le monde, mais je lis quand même, ça, je peux vous garantir, je lis toutes les questions. Puis, je garde ça dans ma tête. Puis, parfois, il y a un moment qui se présente, dire, ah, bon, mais je vais parler de tel sujet. Il y en a qui m'ont parlé, qui veulent des conférences ou des plus sur l'autisme, sur l'éducation des enfants. Donc, il y a plein, plein, plein de sujets. Puis, je vous lis, puis je vous entends. Puis c'est juste question de temps parce que je suis quand même pas mal submergée de travail. Mais je vous lis, puis j'entends vos demandes, puis au fur et à mesure que je vais pouvoir travailler sur ces sujets-là, je vais le faire. Excellent. Et c'est sûr que dans la période de crise de coronavirus, à défaut de te déplacer en Europe pour donner des conférences, tu fais quand même des conférences vidéo sur Ouais. Internet. Donc, ça peut être intéressant de le mentionner là, pour les gens qui sont en Europe ou également aussi au Québec. Après tout, à cause des mesures de confinement, on ne peut pas se déplacer dans une salle de conférence. Ouais. Moi, je Donc. me suis dit, bon, ben, temporairement, ça permet, ben, moi, ça me permet de rester en contact avec vous, avec tout le monde. Puis, justement, ça permet de répondre à des questions, à des préoccupations. Parce que dans Donc, les l'important vidéoconférences. pour moi, c'est que l'information circule. Puis, je sais que je suis OK. pas trop sur les vidéos, tout ça. J'ai pas eu le temps de rentrer là. Puis, j'aime tellement écrire que je suis comme ça. Puis en même temps, ben, je me dis de temps en temps quand je fais une vidéo, comme là avec David qui va mettre ça sur son site, sur ses choses, puis je le remercie donc d'avoir pris ce temps-là de me poser des questions parce qu'il est très, très bon. Je l'ai toujours trouvé très bon en interview. Là, je trouve qu'il pose des belles questions pertinentes puis qu'il pose les bonnes questions pour m'amener à parler. Donc, je trouve ça. Je te l'ai dit un peu tantôt, mais vraiment, Oui, je bien, trouve je te remercie. ça très bon. Et puis, c'est sûr que pour moi, c'est toujours un plaisir de t'interviewer, naturellement. Tu amènes des éléments intéressants, puis ça me permet d'aller plus loin dans l'étude et l'exploration de certains sujets. Donc, c'est sûr que pour moi, c'est un privilège de pouvoir bénéficier de ton intelligence, l'éclairage que tu peux porter sur certaines choses. Et puis, c'est la raison, entre autres, pour laquelle il me fait plaisir là, de te recevoir aujourd'hui. Et de faire la promotion par la même occasion de ton site Internet, de ton livre, de des activités aussi de conférences vidéo et également du fait que tu donnes des formations. Donc, c'est sûr que, comme on le disait d'entrée de jeu tantôt, là, éventuellement, tu vas probablement ordonner d'autres ateliers, là, que ce soit au Québec ou en Europe. Ah, oh, ben c'est sûr. C'est sûr, sûr, sûr. C'est juste reporté. C'est pas, il n'y a rien d'annulé. Moi, je vais tout honorer. Puis dès que je vais pouvoir me déplacer, je vais le faire avec plaisir. Je m'ennuie de ma belle gang en Europe. On a du beau monde là-bas. Ah oui, il y a des gens intéressants. Moi, je suis en contact, que ce soit sur YouTube, Facebook ou par courriel, avec des gens un peu partout. Il y en a plusieurs Européens, là, entre autres. Des gens aussi au Québec, là, naturellement. Les gens au Québec, des fois, sont inquiets. Ils disent, tu vas pas partir habiter en Europe. Hein? Je leur dis, non, non, non, je m'en vais pas. Inquiétez-vous pas, je vous aime trop. Je bouge pas d'ici. Ouais. Mais je me déplace, puis j'adore ça, me déplacer, puis d'aller voir d'autres milieux de vie. Je trouve ça très, très beau, très agréable. Ouais. Ça me fait Excellent. Donc, plaisir de rencontrer des gens. ben oui, c'est un Il y plaisir a de vie. tellement de belles personnes dans la conscience, Ah là. oui, il y a plein de monde. Moi, j'interviewe depuis plusieurs années, comme tu le sais, là. Des gens d'un peu partout dans le monde. J'en ai interviewé au Québec, en Europe. J'en ai même interviewé un en Afrique à un moment donné. Donc, je vois que ça se diffuse un peu partout. Et c'est sûr que pour les gens qui nous écoutent et qui écoutent cet enregistrement-là, qui me découvre en tant qu'intervieweur, si les gens prennent connaissance de l'enregistrement à travers ton site web, là, si tu le mets en lien, ben, je peux leur mentionner que depuis plusieurs années, donc que je fais des vidéos sur Internet, il y en a au-dessus de 400, j'en ai pour Je des... l'ai dit tantôt. Ouais, je sais. Mais je leur dis, parce que des fois, quand les gens écoutent les vidéos, ils les écoutent en diagonale. Fait que moi, je m'organise pour qu'au début puis à C'est la sûr fin... qu'ils veulent pas écouter la pub, c'est sûr, c'est pour ça faut pas faire trop. Oui, non, je te comprends. C'est bien parfait. Mais essentiellement, c'est ça. Les gens qui veulent découvrir mes vidéos, ben, vous pouvez le faire sur ma chaîne. Il y en a plusieurs. Et aussi, j'écris des textes sur mon blog étant davidlevesquesupra.wordpress.com où il y a plusieurs articles. Puis je continue toujours à en faire au fil du temps. C'était pour parler un petit peu de mes activités. Puis en terminant, ben naturellement, là, je te remercie là, généreusement pour tout le temps que tu as consacré à cet entretien d'aujourd'hui. Ça a été parfait. Merci beaucoup, David. À bientôt. À bientôt, à la prochaine. Bye bye. Bye bye.